Oh. Hey, hein? On va enfin pouvoir relaxer, toi! Ouais! Ouh, le stress débarque. La journée avance. Fait chaud, hein? Fait chaud. Tu bord de la plage de même. J'ai assez hâte d'enlever ma serviette. Ah! Oh. Ta serviette! Non! S'il te plaît! Pas devant moi! Et Stéphanie qui est là et qui nous regarde avec ses yeux. Ah, moi, ça me dérange pas! Hey, bref, on est arrivé sur le bord de la plage, on a nos billets d'avion, on est prêt pour jamais retourner chez nous, on jette ça à la mer. Okay? Ben c'est oui, bon? On est sur le bord de la plage avec nos billets d'avion. C'est ça, ben oui, ben on arrive d'avion avec nos billets de retour. Oui, l'avion, la piste d'atterrissage direct sur la plage. C'est ça, exactement. Ouais. Ça a été un atterrissage rough dans l'eau. C'est un atterrissage. Un atterrissage. Ça commence vraiment mal. Voici Assemblage Rocky à la plage. Aujourd'hui, à Assemblage Rocky, on commence notre session d'été. On part en voyage de destination du tout inclus de C'est fou. Avec nous, on apporte, on amène David Ferron, Alexandre Carignan, Colin et Justine Renaud. Et on a Kiki Sexy Time aussi. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rocky à la plage pour la semaine du 6 mai 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, vous avez vu qu'on a dépensé notre budget complet sur les scripts des publicités. Ouais! Il n'en restait plus pour écrire l'intro de l'émission. C'est moi, c'est le « ouais ». Écoute, je pense que je vais le faire tout l'été. Ouais! Donc oui, que de plaisir ici à la plage où tout inclus de C'est fou. C'est le resort, le célèbre endroit que C'est fou se loue à chaque année comme ça. Et on combine cet été le meilleur d'Assemblage Rocky, c'est-à-dire le co-animateur Jean-Philippe Charbonneau. Sop. Ouais. Et les chroniqueurs qui vont se présenter tout au long de la saison. Et le meilleur des palmarès C'est fou, Stéphanie Paradis. Ouais. Co-animatrice officielle. Et la musique évidemment des palmarès, c'est ce qu'on va faire pendant 4 heures tout l'été, entre 14h et 18h. Les jeudis après-midi. On repasse aussi les samedis à midi, les dimanches à 10h. Génial, ça. Hey, parle-moi de ça. Aujourd'hui, l'émission, on reçoit David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille s'en vient tantôt. Lui qui vient d'animer sa première émission de Brancher le monde de la saison estivale. On va lui en parler. Ça se revient dans une dizaine de minutes. On va aussi avoir Alexandra Carignan qui est là pour sa chronique Le temps de la culture. Elle nous parle d'art et spectacle comme toujours. Très heureux de la recevoir. C'est elle qui a co-animé avec moi l'été passé. Mais là, hein? Elle n'a pas cette chance-là. Ah, oh, ben non. Bon, ben. Justine Renaud va être aussi ici pour sa chronique Justine Procrastine. Donc, elle va nous parler de musique, elle va nous faire découvrir quelque chose, j'imagine. J'espère, sinon qu'elle reste chez eux. Ben, c'est ça. Faut bien qu'elle serve à quelque chose. Autour de ça, nos chroniques maison, entre autres les classiques comme Kinky Sexy Time. On va parler de choses plus ou moins sexy. Hein? Chronique préférée de Jean-Philippe, apparemment, maintenant. Oui. Déjà un mi-figue, mi-raisin. Juste à y penser. C'est quoi ça? Un semi-croquant. Ah ouais. Hey, mes filles, mes raisins, j'avais mis ça dans un cheese quiz, ma première de cheese quiz. Mm-hmm. Les fruits. Non, c'est tout. C'est l'anecdote. Pas, Mathieu? Non, moi j'étais pas là cette fois-là la première. Donc on voit que JP lui est culturé. Et ouais, j'aurais gagné ce cheese quiz. Et Mathieu a pas de mémoire. Ouais. J'aurais gagné haut la main ou haut le. S'il fallait avoir des scores de moins quelque chose dans tes cheese quiz, sûrement que je réussirais à m'y rendre. Ben David Ferron a eu un moins 40 c'est vrai. Dernière participation. Une pénalité. On va refaire d'autres cheese quiz au courant de l'été, donc ne vous en faites pas pour ça. Ceux qui comprennent pas trop où on s'en va avec un cheese quiz, là, c'est notre le petit quiz de Stéphanie Paradis. Oui. Il y a aussi, c'est un fait, bien évidemment, dans l'émission d'aujourd'hui, la chronique Soyez fait, véridique, véritable et vérifiable. On va aussi avoir plein d'autres chroniques que je ne vous liste pas parce que sinon l'introduction va durer une demi-heure puis on n'a pas rien que ça à faire. Hein. C'est bien parti, en tout cas. C'est parti pour ça. Donc, oui, Jean-Philippe, Stéphanie, moi, tout plein de chroniqueurs comme ça sur le bord de la plage, on sort notre petite pelle et on se creuse un trou dans la programmation. C'est fou. Pourquoi on se creuse un trou? Pour. Je sais pas, parce que j'ai faim, je me creuse un trou. Oh, peut-être. Ouais. On pourrait m'enterrer jusqu'à la tête. Puis après ça, vous pourriez partir en me laissant là. Puis là, je vais faire, c'est pas drôle. Là. Si j'avais à faire ça avec quelqu'un, je le ferais avec David Ferron. Mais... c'est chien. Hein? Ben, ça serait drôle. La moitié de ton corps dans le sable, c'est au lieu de la langue dans ton oreille. On commence tout de suite avec une chronique déjà, parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de niaiser avec ça. Donc, allons-y avec notre petit quiz musical. Écoutons-la donc, la chanson. Thank you. Victoire adore la chanson, le quiz musical d'assemblage requis. Et là, Stéphanie, Jean-Philippe, vous allez devoir deviner le sujet qui rassemble trois pièces ensemble. OK. Trois pièces qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui ont un lien. Un petit lien de parenté, comme okay. on dirait. Ouais. Donc, on va entendre, évidemment, je vous dis pas qu'est-ce qu'on va entendre et dans quel ordre. Je peux vous mentionner des groupes qu'il va y avoir plus tard. Les trois accords et les trois gars sur le sofa. On va voir ce que ça veut dire tantôt, mais on débute avec cette pièce qui est une nouvelle entrée du palmarès francophone. Donc, on fait notre job de jouer la musique des palmarès, hein, Steph? Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est voici la femme. À son âge requis. Hop là! David Ferron vient d'arriver. Sortez vos pelles, pour vrai. Soit pour y donner un coup sur la tête. Éteindre le feu qu'il y a dessus. Ah. Ma plus grande chaudière. Je salue à tête du voisin qui dépasse la SL. J'espère avoir autant de fun que l'année passée. À la plage, à la plage, à la plage, à la plage. J'ai oublié d'apporter des jeux dans l'auto. Ça fait une heure que j'ai mis des cris d'animaux. Après, je vais nommer à haute voix tout ce qu'il y a autour de moi. Un chat, un chien, un cheval, un char, un chevalier. Ça dure jusqu'à ce que papa ralentisse sur le bord de la route. J'ai le choix de descendre ou de me la fermer pour un bout. 5 minutes après, j'ai le goût de parler en anglais. I snort the fear, the purple, hear the wire talk. Je vois l'océan à l'horizon. Tout le monde met son maillot, moi je me mets de la lotion. Grand-maman m'a remis son maillot lila, mais elle se baigne pas. C'est la première fois que je vois ses orteils, puis j'aime pas ça. Grand-papa a amené sa petite télé à batterie, mais il est fâché parce qu'il pogne pas charibari. Papa joue au volleyball dans une équipe de madame. Maman est pas contente, j'pense qu'elle aime pas le volleyball. Papa dit qu'on s'en va, que c'est fini pour aujourd'hui. C'est dommage, mais juste de me faire un nouvel ami. Il est un petit peu plus jeune que moi, pis il est un petit peu gros. C'est drôle, lui, ça y dérange pas de se promener sans maillot. J'détruis mon château de sang parce que j'fais pas confiance aux autres. L'année prochaine, j'vais le faire plus gros pis tout en haut de la côte. Tokyo, il a fait plus beau qu'en moyenne partout ailleurs. J'ai enlevé mon manteau, il faisait moins chaud en dehors qu'à l'intérieur. Montez les fenêtres. Je ne faisais pas de monokini. faisais pas. De monokini à Tokyo tout nu, à Tokyo tout nu. Je les faisais pas, je les faisais pas. De monokini, j'étais. C'était évidemment les trois accords et tout nu sur la plage. Avant, on a entendu deux autres pièces. Trois gars sur le sofa avec À la plage. Et au début du bloc, c'était La femme avec Sur la planche 2013. Toujours dans le quiz, écoutons la chanson. Et Stéphanie, Jean-Philippe, David Ferron qui vient de s'ajouter. Bonjour. Vous allez pouvoir deviner le thème ou devitème, si on veut. C'est comme la guest list, la liste des devinettes. Yeah. Quel est le lien qui regroupe ces trois pièces? Est-ce qu'on fait des tours de table ou c'est comme le premier arrivé, premier servi? Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Tout le temps les filles. OK, ben là. Il y a un 3 là, dans chaque. Il y a 3 gars sur le sofa, c'est 3. 3 accords, c'est 3. Sur la planche 2013, il y a un 3. T'es forte, mais c'est pas ça. Mais j'avoue que je peux apprécier ton talent de détective, David Ferron. Ben, c'est peut-être pour montrer que les 3 dans les chansons sont meilleurs que les 3 animateurs présentement à la radio. Oh! Oh. Tu t'inquiètes pas là-dedans? Hey, c'était beau, ça? Ouais. Ben, presque aussi beau que mes blagues depuis le début de l'émission. Ben, on suit une blague, je vous aime. Ouais, mais moi, j'ai rien dit. Là, je sais pas pourquoi je fais partie de son gag, là. C'est en équipe, il y a une ligne en fait. Stéphanie, je t'aime. Oh, il me fait un cœur avec ses doigts. Oh, c'est cool. Jean-Philippe? Mis à part que c'est 3 chansons francophones. Oh, wow. Ouais, ça, c'est original. Des tounes d'été. Des tounes d'été de plage. Est-ce que tu me prends vraiment pour un gars aussi évident que ça? Stéphanie? OK, j'ai d'autres choses, là. 3 gars, OK, ça, c'est gars. Après ça, t'as la femme. Ça, c'est femme. Puis tout nu sur la plage, tout nu, c'est des bébés. Fait que j'ai une autre génération, c'est un enfant. Ça aurait été encore plus intelligent. On va rembobiner et dévoiler le vrai thème. Donc, la femme avec sur la planche 2013. Ensuite, 3 gars sur le sofa à la plage et 3 accords tout nu sur la plage. C'était évidemment l'histoire d'Adam et Ève, où t'avais la femme et ensuite t'avais 3 gars. Donc, si je me rappelle bien de ma Bible, les 3 gars faisaient un gangbang sa fille. Puis après ça, ça a donné le petit Jésus. Puis tout le monde. C'est une couple de générations. C'est flou dans ma tête. Et les 3 accords, évidemment, parce que bon, tout le monde s'accorde dans la polygamie. Ouais. Bonjour, Radio Ville-Marie en passant. Ciao, bye. C'était le thème d'écoutons la chanson. Wow. Ah, bon, hein? En passant, les enfants d'Adam et Ève, c'était pas Cain et Abel? C'était eux autres? Cain, le groupe de musique, là? Ça vient de là, ça. Ah, là, ça, toi, tu veux faire un fret, là. Vraiment, parce que moi, je pensais être contre la Bible, mais là, tu me parles de Cain, puis je suis comme. Ouais, ben là, j'ai vraiment. En parlant de fret. David Ferron! Oh, David Ferron! David Ferron vient d'arriver! Voici la langue dans ton oreille. Est-ce qu'on peut attirer un choc des bananes, tu penses? Oh. La langue dans ton oreille. Oh, le petit chat! C'est le petit chat qui vient. Le petit chat, il a fait... Non? David, t'as pas d'écouteurs? David n'entend pas son chat parce qu'il a pas mis ses écouteurs. Tu sais, si tu bois dans le direct à la radio, ça paraît pas visuellement. Là. Je constate votre accueil enthousiaste envers ma chronique. Oui, envers ta voix qui est aussi remplie d'enthousiasme. Oui. Toi qui viens d'animer l'émission Brancher le monde tout à l'heure, en ce jeudi, t'as animé ça sur l'heure du midi. C'est ce qui va être pas mal toutes les semaines, finalement, je pense. Oui, exactement. Donc, de midi à 13, le but de cette émission, c'est de diffuser de la musique de partout dans le monde, qu'on soit en Afrique, en Amérique du Sud. Puis, j'ai essayé cette année de mettre de la musique asiatique. Ah, asiatique, c'est un continent peu exploité dans la musique que tu fais jouer, finalement. Exactement, puis j'ai pas l'intention de jouer de la K-pop parce qu'on en a eu notre surdose. Est-ce que tu vas faire jouer de la musique de l'espace, de la musique space? Ah! Oui, j'aime ça, avec des bidi bidi ouais. Ah ben, sonde anale et tout. Oui, c'est vrai, Chiptoons, parce que je sais que Mathieu est un fan de Eggbite et de Chiptoons. Oui, de musique de jeux vidéo, ça fait sûrement un an et demi que j'en ai pas joué, mais en effet, j'aime beaucoup ça, j'en écoute beaucoup à la maison depuis que je sais que personne aime ça quand j'en fais jouer à la radio. Ouais. Pour faire une émission de 5h le matin à 6h? Oui, non! Ça ferait un beau réveil matin. Donc, David, tu nous reviens avec ta chronique La langue dans ton oreille dans cette émission qu'on appelle Assemblage requis à la plage ou à sans plage, comme j'utilise souvent. Et qu'est-ce que tu te présentes dans cette chronique-là? C'est de la musique francophone. Exactement. Et à chaque semaine, je vais vous présenter 2 à 3 chansons qui représentent une thématique. Et cette semaine, j'ai été hyper original et innovateur. OK, je t'écoute. Là. Sortez les tambours. Steph. Hey, moi, j'étais bien parti. Ouais, pas pire, mais je voulais un ensemble. J'aime ça. C'est des claques et les joues, hein, c'est ça? C'est pas grave. Je suis comme le bruiteur. J'écoutais les des reprises, là, puis c'est pas fameux, mes bruits. Pas fameux. Non, c'est pas mais fameux. C'est charmant. C'est attachant. Ouais. C'est attachant. C'est attachant, un peu comme David, tu sais. Ouais. Comme un animal de compagnie. Oui. Miaouf. En fait, miaouf, ça c'est un mélange entre un chien et un chat. Ouais, exactement. Comme Micha Michien. Oui, qu'on sait pas par où ils font leurs besoins. C'est pas grave. Par le nombril. Ah, ok. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, mais pour revenir à ma chronique, mon but c'est de présenter des chansons francophones sous le thème de n'importe quoi selon mes inspirations. Et cette semaine, c'est le thème de la plage. Oh, oh hein? Hey, c'est original. Ben oui, c'est. Avoir su, tu sais. Ben oui, c'est. Avoir su, j'aurais fait ma chronique ailleurs. Ben non, ben ça m'a inspiré 2 chansons. D'abord, je vais vous parler d'Henri Salvador avec la chanson Paname à la Havane, tirée de l'album posthume Tant de temps. Et pour vous parler de Henri Salvador, qui est décédé en 2008, en fait, c'est une vedette dès les années 1940. Mais il connaît un regain de popularité, surtout au début des années 2000, avec avec l'album Chambre avec vue. Et là, quand c'est sorti en 2000, il avait 83 ans. Donc, c'est comme une renaissance, mais... proche de la mort. Exactement, parce qu'il est mort en 2007-2008. C'est une vieille jeune chanson. C'est une vieille relève ou une relève expérimentée, si on peut dire ça. Une relève, mais avec une marchette. Même pas, il était vigoureux. Ah non, il était vigoureux. Une blague de marchette, mais... Ah, même pas. Il avait pas besoin de marchette. Yeah, laisse faire. Oh oui. Essaye pas de rendre ça pertinent. C'est une blague, ça. Okay. Ah ouais? Ah, c'est parce qu'il est pas drôle. La relève, mais... C'est une canne pour te relever. Comment? Comment? Suis un peu, là. C'est l'été, hein? Les cerveaux sont à off partout. Soyons légers. Hey, silence. Conseil. Parlant de légèreté, eh bien, les chansons de Henri Salvador nous permettent de se détendre, dont... la chanson Paname à la Havane qu'on va entendre très bientôt, mais parlant de l'album dont est tirée la chanson Tant de temps, c'est en fait un album posthume réalisé par l'auteur, compositeur, interprète Benjamin Biolay, qui a habituellement écrit des chansons un petit peu plus sombres que le répertoire de Henri Salvador, parce que Henri Salvador, c'est des chansons légères qui nous permettent de siroter un bon drink martini au soleil. Après une grosse journée de travail. Ouais, exactement. Okay. Donc, c'est une belle occasion d'écouter du Henri Salvador, mais tout est bon pour écouter du Henri Salvador parce que ça nous met du soleil dans nos cœurs. Est-ce que t'as emmené les martinis qui vont avec? Non. Il les a toutes bu avant de venir. Bloup. Et en fait, pour revenir à l'album Tant de temps, c'est que Henri Salvador avait déjà enregistré des maquettes avant de mourir. Sauf que Benjamin Biolay se dit « Ah ben ça ferait un beau projet ». Donc, avec 2 autres musiciens, ils enregistrent une espèce de bande-son avec la voix d'Henri Salvador qui avait déjà de l'accompagnement musical, mais Benjamin Biolay se dit « Je veux le réorchestrer autrement ». Donc, on va mettre la voix d'Henri Salvador avec la musique qu'on a faite, moi et mes amis. Donc, on va écouter le résultat avec « Paname à la Havane ». Écoute ça, Biolay, on dirait une marque de produits de beauté. Ça va être doux comme de la crème. Solaire. Ces chansons sont pas si douces que ça. Gorge dans tout, va. Ben non. Rêver tout haut d'une île des Caraïbes et Paris sur cette île, les pieds périphérique. Ce serait comme Panama, la Havane, de longues plages et plus de macadam, des bateaux bleus sous le pont Notre-Dame, le plein soleil contre le vague à l'âme. Il ferait beau de décembre à janvier aux terrasses des cafés, tous au repos, des siestes interminables allongées sur le sable chaud, boulevard des Maréchaux. Ce serait comme Panama, la Havane, de longues plages et plus de macadam, des bateaux bleus sous le pont Notre-Dame, le plein soleil contre le vague. Henri Salvador avec la chanson Paname à la Havane, tirée de l'album posthume Tant de temps. David et sa voix sexy. Oui. Toutes les semaines. C'était. Ah. Oui. Et est-ce que tu charges pour que tu nous parles? 4,99 la minute. Non. Ouais. C'est gratuit? Ouais. Ah, wow. Professionnel. J'essaie. Donc, c'est la première pièce du bloc La langue dans ton oreille. Oui. Pendant que Stéphanie et toi faisiez léviter une banane. Ouh. En studio. C'était beau, et je vais poster la photo sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Mais la banane a tombé sous le charme de Stéphanie. Oui, je la regardais fort, fort, puis elle a tombé. Puis elle a fait « pauk ». Non. D'habitude, c'est pas l'inverse. De la banane qui charme Stéphanie. Ah! C'est pas vers ça que je m'en allais, mais c'est pas grave. Tenons-nous-en à ça. On se comprend. Bref, allez la voir, la banane qui lévite sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Toujours dans la langue dans ton oreille, la chronique de David Ferron. Et on a une deuxième pièce à entendre dans ton bloc. Est-ce que c'est un bloc thématique ou chacune des deux pièces a sa propre thématique? Comment ça fonctionne? Non, c'est comme à chaque semaine que je fais depuis le début de l'année, les chansons ont une thématique. Et donc, c'est la question de la plage ou d'aller en vacances. Comme là, c'était la Havane et le Paname avec Henri Salvador, et maintenant on s'en va à la plage, mais dans le titre de la chanson, ça parle pas de plage, ça parle de banane. Mais dans la chanson, le monsieur dit « Je suis tanné de ma vie, je suis tanné de la pression sociale, donc j'aimerais ça être tout nu sur la plage. » Ah. C'est un peu comme « Tout nu sur la plage des trois accords ». Ça a été une bonne chanson à choisir pour cette chronique-là, mais évidemment, c'était un gars pas mal plus... Il s'est fait couper l'herbe sur le pied. C'est ça, par moi-même tantôt, sans le savoir. Avec les pieds inclus, oups. Pas juste l'herbe. Ah. Mais non. L'homme au mignon. L'homme de gros mignon. L'homme de gros mignon. Et en fait, je m'attarderai pas sur le chanteur. Je pense que je l'ai déjà assez présenté dans mes émissions et dans mes chroniques. C'est Philippe Catherine, on le connaît, on l'aime bien. Ben oui, je vais plutôt m'attarder sur le thème de la chanson, c'est-à-dire la banane. Oh, the banana! Oui, parce qu'il faut être inquiet de son sort. À la banane, on va perdre la banane un jour? Oui, la banane Cavendish, qui est la marque la plus connue, va disparaître d'ici les prochaines décennies. C'est ça qu'ils font les frites, là? Je sais pas. Non, ça, c'est avec des légumes bananes plantains. Congelés. Les frites Cavendish, comment? Non, ça, c'est les bananes plantains, ça, les bananes frites. Aïe, aïe, mes blagues tombent à plat aujourd'hui, ça veut pas la lâche. Je suis vraiment... Les frites Cavendish, comment? Ah, j'ai pensé à mon enfant, ouais, ça ouais. peut te rassurer. Les trucs Cavendish congelés en sac, là. J'abandonne. Mm-hmm. Mais c'est meilleur des bananes plantains pour la santé. Que des frites Cavendish. Ah, OK, que des frites. Ah, OK. Ouais. C'est rendu plate un peu comme discussion. Moi, ce que j'aimais bien là, avec les bananes, là, c'est que tu insères un bâton dedans, tu les mets au congélateur puis tu les trempes dans le chocolat. Oh, miam! Tu peux faire ça avec la guimauve aussi. Comment on appelle ça? Tu peux faire ça avec David Perrault. Mais moi, je pensais que le lien de la banane, ça restait avec le titre de l'autre tourne. C'était, ouais. c'était Paname à la vanne. Ah, pétard, j'ai pas mais pensé à ça. Mais Paname à vanne, ça fait banane, non? Ben, pourquoi pas? J'ai pas pensé à ça, mais oui, pourquoi pas? OK. J'ai hâte qu'on aille en musique. Là, ouais, j'ai hâte. Mais avant d'aller en musique, justement, pour finir avec le sort de la banane, c'est que lorsque la banane Cavendish pousse, les bananiers Cavendish, eh bien, il y a un champignon qui attaque les racines. Hein? Donc, les champignons sont-ils dans le Cavendish? Elle était bonne. Merci, merci. Pour une fois, mais félicitations. On applaudit Mathieu. Merci. Bravo, Mathieu. Trois en 32 minutes. Trois blagues en 32 minutes. Et ça une devrait être bonne. Une bonne. Et pour rendre hommage à cette banane qui va bientôt disparaître, Stéphanie, tu vas la manger et tu vas nous décrire cette banane-là. Ah oui, okay. Non, mais... On fait ça tantôt, après ta chronique, OK? OK. J'aimerais ça qu'on juste après la chronique, c'est bon? Il n'y a pas de problème. On garde ça pour plus tard. Pour l'instant, on écoute la banane de Philippe Catherine. Excellent. C'est la langue dans ton oreille, la chronique de David Ferron, assemblage recul. OK. Non, je ne veux plus jamais travailler. Jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez, plutôt crever. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi plutôt crever que de pas finir ma banane. C'était la banane de Philippe Catherine. Wow. Tu chantes bien, David. Non. c'est une blague. Donc, merci pour ta chronique qui dans ton oreille. Ah, ben, tu peux même dire que je suis pas drôle. Je vais te dire que je pas un bon chanteur. Hein? Ben, c'est pas grave. Mais il y a trouvé le mensonge. Patrice L'Aiguilleux. Ouais. On te remercie pour ta chronique. Est-ce que c'est tout? Est-ce que je t'interromps? Est-ce que c'est tout? Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. T'as amené une banane pour Stéphanie. Ouais. Évidemment, un peu comme la semaine passée, tu nous avais amené du yogourt. Hein, ça m'inspire à chaque fois. Donc, tu sais que je l'ai écouté, le yogourt. Ouais. C'était très bon. Allez voir sur la page Facebook des Palmarès, c'est fou. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est la banane de la semaine. La banane. Présentation de la banane. Doll. Cavendish Doll. Rivière, 4170, adresse Boulevard des Forges. OK, on y va. Quand tu

ça devient liquide. Donc là, elle a le goût défoiré. Donc j'ai l'impression que ça fait sortir le sucre de la banane. Ça se peut, donc, ça. Et non l'inverse. Oui. T'sais, on sort le sucre de la banane sucre. Et non la banane, la banane sucre. Sucre. Mais ça ne sortira jamais la banane. Oui, oui, oui. Voilà. Merci, Stéphane. On s'en prend-tu une dernière bouchée? Oui, une dernière. Ben, il n'y a pas quelqu'un qui veut goûter et donner son impression. On dirait que. On dirait que personne n'ose mettre cette chose. Dans sa bouche. Vas-y, David, mets ta bouche. Est-ce que c'est David qui l'a amené, la banane? Ben oui, c'est David. C'est toi, David, qui nous amène notre bouffe. La semaine passée, c'était du yogourt. La semaine avant, c'était quoi? C'était des Pop-Tarts? Des biscuits Oreo. Oui. Ben, ça, vu que c'était trop sucré, trop gras, j'ai essayé d'apporter de quoi de santé et de sain, même si la banane, elle semble quelconque et ordinaire au moins. Oui. Je sais pas. C'est pourtant le contraire de sain. Sain et pénis. Ben, ça trame. Goûte, David, goûte. Goûte. Donc, il faut que je goûte la banane? Oui. Goûte la banane. Okay. Insère. Une bonne rasade. Oui, voilà. OK. Ah, oh, t'es allé trop loin, là, je pense. T'es oui, il y a quand même un petit haut cœur. Il y a les yeux qui pleurent. Pour ça, okay. Donc, voilà pour la banane de la semaine. Évidemment, on remercie David pour son choix. Puis Stéphanie merci, Stéphanie. Merci, Dany Janvier, pour l'inspiration. L'inspiration. La bière de la semaine. C'est évidemment une parodie qu'on fait ici une fois de temps en temps à Sondage Requis. On aime bien ça. Et on prend une pause. On revient avec King Sexy Time. Oh, yeah. Merci. Bonjour à Assemblage Requis à la plage avec Stéphanie Paradis. Oui, avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, et Mathieu Plante. Yeah! On est bien comme ça, chacun notre serviette. J'ai oublié ma crème solaire. C'est pas grave, je peux te mouiller ça de tout ce que tu veux, Steph. Ah, mais est-ce que ça protège des rayons UV? Ah, ça protège de plein de choses, tout en créant d'autres maladies. Mais est-ce que tu me crèmerais le dos, Mathieu? Là, t'en demandes trop. Ah, excuse-moi. Clairement, t'en demandes trop. On transitionne maintenant avec une autre chronique. On y va comme ça à brûle pour point. Et c'est le moment de se crémer un petit peu partout, disons, avec... la substance. C'est ça. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est évidemment la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. C'est la chronique sort de C'est un fait que vous connaissez, que vous appréciez. Et qu'ici, on vous propose des faits plus sexuels. Bouchez les oreilles des enfants qui sont à la plage avec vous. En commençant par le mois de mai. Savez-vous le mois de mai et le mois de quoi? Des pénis. Ben proche. De la conception. Si je vous dis comme, des indices. Floca floca. De schlicke schlicke. Schlicke schlicke. Fouiqué fouiqué. Squeaky squeaky. C'est le mois de la masturbation. C'est le mois de mai. Ah ben là. Mais là. T'as pas besoin de pénis là pour te masturber. Ben c'est pour ça que j'ai dit presque quand t'as dit pénis tantôt. Mais pourquoi mois de mai? C'est plate ça le mois de mai. Il me semble qu'il fait beau tout le monde. Ben parce que tu pognes ton affaire dans ta main. Dans ta main. Dans ta main. Dans ta main. Non? Ah! Ben, moi, je trouve ça drôle. Moi, j'aurais plus mis comme février, c'est un mois plate. Ben non, novembre, tu sais, c'est tellement dépressif, novembre. C'est novembre, février. Bon, ben battez-vous pour votre mois, moi, je vais garder le mois de mai. Bon. Juste à moi. Rue Sésame, là, Sesame Street, là, avec les petites marionnettes, etc. Ils ont envoyé un document de presse là, aux médias pour leur dire que Bert et Ernie ne vont pas se marier et qu'ils n'ont pas d'orientation sexuelle parce que ce sont des marionnettes. Ah, les voilà. Gens, il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils étaient peut-être squeak squeak flocka flocka. Comme Tinky Winky, là. Pareil. Il y avait des rumeurs hein, sur Tinky Winky parce qu'il était mauve puis il y avait une sacoche. Ah, ouais. Là, ça, c'est tellement des préjugés. C'est de l'homophobie. La couleur mauve va très bien à plein de gars. Là. N'est-ce pas, Mathieu? Non, mais. C'est plus bleu me foncé, mon chandail. C'est comme bleu violacé, ton chandail. Pas mal, ça, pas mal. Non, mais c'est vrai, il porte très bien le rose fluo puis le jaune fluo. Merci. Ben, tu sais, moi, gars, quand t'es super dans ta masculinité et confiant, tu t'assumes dans ta virilité. Tu t'assumes dans ta virilité. Pas besoin de porter du bleu, là. Non. Puis là, on parlera pas de ton sac banane. Bah! Et mes petites short stretch. Oui. 30% des utilisateurs de pornographie disent qu'ils se sentent coupables après avoir regardé la pornographie. Ah! Ben, combien? 30%. Ah, oh, j'aurais pas dû. Ça, c'est parce que t'es tombé sur quelque chose que tu voulais pas voir. Two girls, one cup. Ouais, c'est ça. Ou que tu t'es fait pogner. Définition de mot. Vous savez comment j'aime ça. Qu'est-ce que l'Odaxélagny? Odaxélagny. Odax. Aïe. Ben, ça doit être quelqu'un qui est excité par quelque chose de bizarre. OK, wow, hein? Ben, on t'appelle pas la prédatrice en chef pour rien. Rapport. Rédactrice, excuse-moi. Non, donc c'est une paraphilie. C'est l'attirance sexuelle envers se faire mordre ou mordre quelque chose. C'est l'Odaxélagny, c'est mordre ou se faire mordre. On aime ça. T'es la question. Tu peux participer, David, même si je t'ai pas nommé tantôt. Hein? Il mord son petit gobelet. Non, ferme son micro. On dirait un hamster, ce gars-là. Sur sa petite roulette. Les bajoux, pis tout. Oui, les bajoux. Une protéine du lait est utilisée dans la fabrication du latex, ce qui veut dire que la plupart des condoms sont pas corrects pour les végétaliens. Tu sais, ceux qui utilisent rien qui a été fait par un animal. Donc, lait, ils peuvent pas mettre non plus de d'intestin. De chèvre ou mouton? Ouais, je sais plus. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à un intestin de chèvre. Voilà, fallait aller juste en vacances. Ensuite, la vedette de la pornographie, maintenant à la retraite, Asia Carrera, a construit et écrit le code pour son propre site web. Hein? Et elle est membre du club de haut quotient intellectuel, le Mensa International. Donc, la vedette de la porn, cool. Asia Carrera, est une super geek, super smart lady. C'est quoi son nom? Asia Carrera. Asia? A-S-I-A. Asia, ça doit être une femme fontaine. Je pensais dire que ça doit être une asiatique. Elle s'appelle Asia. Asie. Ah, OK. Carrera. Elle a fait carrière. À deux, ça fait une blague. Du 13e au 15e siècle, le mot girl en anglais, J-I-R-L, une fille, c'était pas un terme qui décrivait le genre d'une personne. C'était plutôt une jeune personne, peu importe le sexe. Girl. Petit gars, petite fille, ça s'appelait girl. Ah. 66% des femmes préféraient acheter des objets sexuels dans un magasin, une boutique, plutôt qu'en ligne. 66%, c'est presque le deux tiers. Mais ça, c'est un peu comme des vêtements. Au moins, tu peux les essayer. Non. Pas convaincu que tu puisses. Avant le magasinage ou après? Pardon? En tant que t'es non, là. Non, mais ça me surprend parce que, tu sais, normalement, les gens seraient plus gênés d'y aller sur place que de faire ça discrètement. Ouais, si tu veux savoir ta grandeur de. Ben, en même temps. 14 cm de profondeur! Puis tu veux être sûr aussi que ça soit pas genre ton coloc qui ouvre la porte puis que, ouais, t'as eu un colis. Ah, cool! Puis là, finalement, net, boum! Non, mais c'est discret, là, c'est pas écrit sur la boîte. Gros dildo inside. Ben, c'est justement, c'est une grosse boîte brune, tu fais comment? Tu shake! Ben oui, c'est brune! David? Non. OK, non. Nope. Mais ça serait gênant d'avoir l'adresse de retour qui est la sex shop sur le colis. Ouais. Bon, mais en tout cas. Bref. Un sondage nous apprend que ceux qui consomment le plus de pornographie en ligne vivent dans les états les plus conservateurs et religieux. Hein? Uh-huh. Pas très surprenant là-dessus. Quand tu peux pas, parce qu'il faut que tu sois marié pour le faire, la ça tentation. Te donne. C'est ça, la tentation. La pomme d'Adam, etc. Les seins, la poitrine. Tu sais, quand ça rebondit, oui. Ça rebondit pas en ligne droite. Hein? Ça rebondit en 8. Wouhou! Quand hein? Un peu comme quand je danse la cucaracha. C'est ça. Je danse en 8. Fra, fra, fra. Oui, oui. Spécial 6-8. En Grèce antique, les gens pensaient que la voie lactée était fabriquée à partir de gouttes provenant de la poitrine de la déesse Héra. La voie lactée, donc du sein. Je me suis toujours pas remis du 8, moi. Non, non. Je vais te laisser encore un peu de temps. Oh, merci. Une autre devinette pendant ce temps-là. L'aphalatosis. Aphalatosis. Qu'est-ce que c'est, aphalatosis? Phala pour phallus. Ah, vous voyez, oui. Tosis. C'est quand tu peux pas t'en empêcher. Faut tout de suite que t'es... Non, mais ça commence par A, ça veut dire qu'il n'aurait pas de phallus. Oh, mais non. C'est un désordre mental qui arrive quand tu n'as pas assez de relations sexuelles. Quand tu passes trop de temps à ne pas avoir de relations, à un moment donné, tu vires fou, apparemment. Et c'est de la phalatosis. La tribu africaine de Wadabi a une saison de l'accouplement. Est-ce qu'on dit ça? Saison d'accouplement? Pourquoi pas? Saison du rite? Oui, tiens, saison du rite. Où tout le monde, même les couples mariés, ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Cool! Party! Je signe où? C'est dans quel pays, ça? En Afrique. À la prochaine assemblage récré, on le fera en Afrique. Dans quel pays? L'Afrique. Non, excuse-moi. Je ne suivais pas. Désolé, c'est vrai. T'as-tu moins précis? Non, j'ai pas le pays exactement, mais c'est une tribu dans le continent africain. OK. D'accord? C'est la tribu bonne de... Bonne chance à trouver. Oudabé. Oudabé. Et voilà. Cherche. Ouais, cherche. T'as les informations. Hein, après, on pêcheur à pêcher puis pas avoir les poissons. Là. C'est ça. C'est pas nous autres de tout faire, là. Fais ton effort. Le soleil est un aphrodisiaque. C'est prouvé, ça améliore la libido. Le soleil, donc si tu vas prendre le soleil dehors, tu vas avoir une plus grande libido pour le soir faire ça alors que c'est super collant. Puis c'est, non, l'été, c'est pas bon, mais mon Dieu, de l'air climatisé. Ah, il y a ça. Le mot funky, ça vient d'un autre mot africain, hein, le célèbre pays. Donc, le mot funky, ça vient du mot africain pour la sueur que tu produis pendant que tu as des relations sexuelles ou que tu danses. Donc, c'est une sorte de sueur spéciale, un funk. Tu sais, quand tu dis que le gars, ça sent le funk, là, en anglais, on dit ça. Okay. C'est pas en français. Mais funky, ça vient de cette odeur-là. Fascinating! Une femme va utiliser, Steph, environ 11 400 tampons dans sa vie. Yeah. Et là, combien ça coûte une boîte de tampons, mettons? Ça dépend, tu les achètes où? Là? Ouais, chez Costco. Faire un calcul, ouais. Tu peux acheter en vrac aussi de la ouate puis de la corde. Oui. Faire une petite job de macramé. Ben là-dedans. Oui. Bref, 11 400, faites votre propre calcul en divisant le prix que vous payez parce que ça ne tombe pas. Une des souliers. Une des poupées sexuelles, donc une soupée, si on veut, qui a jamais été créée. C'est une réplique de Miley Cyrus qui s'est vendue en moins de 48 heures partout dans le monde. Donc, ils ont vendu des centaines de milliers, j'imagine, de copies de cette poupée sexuelle de Miley Cyrus. Une recherche, encore une fois, nous apprend que les femmes, la plupart des femmes nées avant 1900, l'année 1900, portaient des vêtements pendant qu'ils avaient des relations. On portait des vêtements avant 1900. Ben oui, tu sais pas tout montrer. Le nombril, surtout. La cheville, arc. Ah, non, pas la cheville. Oh, dégueulasse. Cacher cette cheville. Dégueulasse. Rouge, bleu foncé et violet. Ce sont les trois couleurs les plus érotiques de la palette, de la grande gamme de couleurs. Hein? Il y en a qui ont juste du rouge ailleurs. Ben oui. Marina, c'est rouge. T'es-tu dans tes... Clin d'œil, clin d'œil. Donc, c'est les couleurs les plus érotiques. Quelle est la moins érotique, gang? Gris. Hey, wow! Ça? Est-ce que tu as ouvert la page? Non. Ben en fait, oui, mais je l'avais pas lu. Okay. Mais c'est bien gris. Ah. Donc, porter les bonnes couleurs pourrait vous mettre plus loin. C'est comme plate d'avoir la bonne réponse. J'avoue. Ça aurait été plus drôle, quelque chose de drôle. Mais bon. Corail. Carotté. Corail. J'aime ça aussi. Deux très bonnes réponses. Une autre devinette, la guest list, comme on l'appelle. La pseudo-nécrophilie. C'est un petit peu facile, mais pseudo-nécrophilie, avouez. Ben là, pseudo... Avec des empaillés, mettons? Non. Non, je sais pas. Moi, je viens de les lire. Ben, comment? Mais non, mais là! T'es là, plate! Il n'y a rien de visuel dans cette chronique-là. T'as pas besoin de les ouvrir. Il n'y a rien de visuel. Mais moi, je les lis. OK. Mais faire l'amour avec quelqu'un qui se croit mort, mais... Qui fait semblant d'être un mort. Un vampire! Non. Hey, si vous avez vu la pub à la TV, là, c'est pour une compagnie d'assurance de je sais pas quoi, d'auto, je pense. Et puis, c'est un vampire qui est à un kiosque pour donner du sang. T'sais. Mais dans le fond, c'est un client qui n'est pas un vampire. Puis là, il dit, le docteur, il demande, l'infirmière, elle demande, c'est quoi ton type sanguin? Puis là, tu vois le vampire, il fait comme, ah, cool, tu sais. C'est comme, c'est une pub, tu sais. Ah, ben là, c'est donc bien mauvais. Ben Mathieu, je suis fier de toi. Tu viens de plugger une pub qui joue à télé. C'est ça. D'habitude, c'est moi. C'est ça. Bravo, Mathieu. Le vampire est bien excité de travailler là. OK. Non, c'était pseudo-nécrophilie. Ensuite, Mais c'était quoi la pseudo, finalement? C'était... Faire semblant d'être mort. C'est vouloir avoir des relations avec quelqu'un qui fait semblant d'être mort. OK. C'est ça. Sinon... C'est pas très participatif, hein? Non, pas tellement. Les bébites de lit, tu sais, les puces de lit. D'accord? La femelle de la puce de lit n'a pas d'ouverture sexuelle, n'a pas d'entregen, si on veut. Donc, le mâle doit utiliser son pénis pour driller un... dans dans le corps du dedans. Ah, fait qu'il peut choisir où ça lui convient. C'est ça. Il y a plus de choix de position. C'est fun, ça. Le Kama Sutra des puces de lit. On a... les Afro-Américains et les Hispaniques, ça, c'est ceux d'origine latino, genre espagnol, hispanophone, ont des relations sexuelles avant de se coucher plus fréquemment que les personnes caucasiennes? Les blés. Et les Asiatiques. Donc, plus d'Afro-Américains et d'Hispaniques. Voilà. Le nombre moyen de fois qu'un homme va se rendre à partir de la masturbation, le nombre de fois qu'il va se rendre dans sa vie, c'est de 2000 fois. 2000 fois de... en se floc à floc, squick. Le fétiche qui prend le plus d'expansion dans le monde des jeunes aujourd'hui, c'est la stigmatophilie. Qu'est-ce que c'est la stigmatophilie? C'est pas le fait de triper sur les gens qui ont des stigmates ou des cicatrices. Ça aurait pu. Des tatous. Triper sur Jésus parce qu'il s'est fait crucifier puis il y a un stigma. Les vampires. Non, c'est en fait l'attirance sexuelle aux gens qui ont des tatous et des piercings. Des tatous. Je l'avais dit. Ouais, ça fait quatre fois qu'il dit. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais je pensais qu'il y avait encore lui. Les femmes ont de meilleurs orgasmes lorsqu'elles sont en haut dans la relation lorsqu'elles sont sur le gars. Ok, je pensais que tu parlais à l'étage. Non, au deuxième étage. La fameuse pression atmosphérique. Il est vrai, ça, ça a l'air assez malade. Ah ouais. Deux coups. La personne moyenne, une personne moyenne va avoir en moyenne 106 relations sexuelles par année. 106 fois. Des tribus d'Afrique, encore une fois, je ne sais pas le pays exact, là, va attacher une roche à leur engin pour les allonger. Certains, ça va se rendre jusqu'à 17 pouces de longueur. Quand même! 17 pouces. Incroyable. Ouais, mais... C'est ça, les junk que j'arrête pas de recevoir sur mon hotmail. C'est ça, c'est attaché. Accroche à toi une roche. Que celui qui... Nanana, c'est la première roche. Ouais. La disabilie-phobie. Qu'est-ce que c'est, la disabilie-phobie? Aucune idée. C'est comme le rockabilly, mais dans la formule disco. Ah! Disco-billy. C'est la peur de se déshabiller devant quelqu'un d'autre. Ah. L'orgasmatron est un appareil qui a été créé par les scientifiques et qui promet un orgasme instantané en utilisant une décharge électrique. Aïe, aïe. L'orgasmatron. Bon, quoi, tu veux dire comme directement dans la zone du cerveau qui probablement provoque... C'est cool, hein? Ben, je sais pas, là. Non, tu veux le mériter, ton... Ben, c'est ça. Fais un effort. Quand t'es complètement à l'intérieur de la femme, si tu ajoutes un mouvement de va-et-vient de la gauche à la droite, et non seulement des va-et-vient de sort-rentre, on se comprend ici, et que tu appuies de la pression sur son clitoris, ça va donc varier la stimulation et ça va rendre tout ça plus plaisant. Ben oui, c'est de base. Évident, de base. Ben, tu vois, moi, hein, je dis ça, puis... Je renseigne les gens. Hein? qu'est-ce que la tocophobie? Tocophobie. Toco. Toco? Toco. C'est quand t'as peur des perroquets. Toco! Toco! Non, des toucans, toco! Des biscuits, toucans. Ben, quelqu'un qui aime... C'est sûr qu'il avale tout rond. C'est sûr qu'il aime ça... non, qui baise en mangeant des Froot Loops? Ben, j'allais dire qu'il s'insère dans un Froot Loops. C'est ça. Mais c'était trop, je trouvais. Mais on l'a dit pareil. Ouais. Donc, non, tocophobie, phobie. Ceux qui veulent la réponse, c'est la peur de tomber enceinte ou d'accoucher. Les derniers, on y va très rapidement. Le quatrième endroit le plus populaire pour avoir des relations sexuelles sur un bateau de croisière, c'est un bateau de sauvegarde, les petits lifeboats. Et le bain, genre spa, est premier sur les bateaux. C'est l'endroit. Le pingouin moyen a seulement un orgasme par année. J'espère qu'il en profite. le mot « period » en anglais pour dire les règles d'une femme en référence aux menstruations. Donc, ça date de 1822. Ça veut dire un intervalle. Un trou entre deux périodes de temps. Donc, un intervalle de temps. Sidéro-dromophilie, c'est être excité en se promenant dans un train. Ah! Mais tu sais, les... Oui. Chou-chou! Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que peut-être quand le train rentre dans un tunnel. Oh! Ah, c'est ça. C'est pour ça que José Lito, il fait ses émissions-là. Oh, on prend toujours un train parce que don't extend. Il a dit, faudrait regarder s'il n'y a pas de temps comme une petite bosse. C'est pour ça qu'il y a une table. tout s'explique. Enfin. Quelqu'un qui souffre de misophilie, finalement, peut être excité en sentant ou en manchant des sous-vêtements sales ou des serviettes hygiéniques. Ouais, c'est la misophilie, voilà, pour Kinky Sexy Time. Non. Tu finis pas avec ça. Tu finis clairement. Ben, je peux en ressortir un. Ben oui, non, t'as pas le droit, là. Le pays de l'Afrique. Non, mais là... J'en ai plus d'autres. Come on. Ben là... Inventez-en un. Va et viens par la gauche, à droite, c'était là-bas. Un homme sur deux. Un homme sur deux. Complété. Une personne sur deux est un homme. Un homme sur deux n'est pas. Oh! Fini. Wow! David? Un homme sur deux aimerait bien écouter Assemblage requis. Ah. En faisant l'amour. Voilà. Un homme... Non, mais non, ça marche pas. Ah. Qui veut faire ça? Hey, OK. Nous, on prend nos sources, OK? C'est véridique, vérifiable, véridique. Je me rappelle pas du reste. c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis à la plage. On se retrouve tantôt avec Alexandra Carignan et sa chronique Le temps d'une culture. Ça s'en vient. Et plus tard dans l'émission, on va aussi avoir la chronique de Justine Renaud. Et ça le répond là. Tout ça et plein d'autres bonnes affaires dans nos trois dernières heures. On revient dans deux minutes. Ouais, mais moi, avec cette chronique-là, là, je peux pas me lever. T'as une table, tu vois? Oui, heureusement que j'ai une table. Et en plus, à côté de toi, c'est troublant. Garde ta serviette. t'as un troublant. Non, non, dessus. C'est fou avant tout le monde. La musique de demain, aujourd'hui, 89.1 FM. Vous êtes toujours à Assemblage Requis à la plage. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, la grosse équipe festival. On combine les Parleurs assez fous à Assemblage Requis en une seule émission. Vous aurez compris, la co-animatrice des Parleurs assez fous, le co-animateur d'Assemblage Requis, moi aussi, parce le que gant, les deux. Tu t'en débarrasses pas, c'est ça. Ah. Et on accueille aussi la plupart de nos chroniqueurs d'Assemblage Requis. D'ailleurs, Alexandra Carignan s'en vient dans quelques minutes pour sa chronique Le temps d'une culture. Mais pour l'instant, on va écouter un petit peu de musique, hein, parce qu'on n'a pas écouté tant que ça depuis le début de l'émission. Ouais. Les enfants se plaignent, ça a pas, je t'entends derrière nous. Il y a un enfant qui a fait ouais. Marco! Marco! Ouais! Donc, on va entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Cette fois-ci, c'est le numéro 20. Et c'est Rara! Avec Art and a Wife! Yeah! En direct de Trois-Rivières! En direct pour la plupart des gens. Oui, le tiers. Oui, pour la plupart, ça. Non. I used to have a guitar, though I didn't know what for. And I would play along to some old country songs that shook me to the core. And then I got an amp, and I learned to make some noise. And I would play along to some crazy horse songs until it felt right. And now I just want a life full of art and a wife, full of hearts, just a life full of art and a wife. And then I got a band, we drove around in a van, played some shows, made some fans, we crushed a few cans, drove around in a van. I used to have a song I would sing for every girl. I used to wanna make out with every girl. But now I just want a life full of art and a wife, full of heart, just a life full of art and a Rara et Art and Wife à Assemblage Requis à la plage. Toujours sur le bord de l'eau, comme ça. Comme les vagues sont belles. Fouiche, fouiche, fouiche. Floc, floc, floc. On accueille Alexandra Carignan, une vétérane, comme dit apparemment qu'en français, il faut dire vétérane. Ben oui, je suis donc fière de toi. C'est pas tellement beau, mais bon. Vétérane de l'animation de l'été, hein, pour vrai, elle a animé avec moi Assemblage Requis en croisière l'année passée. Eh oui, j'ai fait ça l'année passée. C'est le fun. Hein? Et là, je me recycle en tant que chroniqueuse. Ça te manque un peu? Non. Beaucoup. Pas vraiment. Elle est tellement occupée, cette femme. Donc, la voici avec le temps d'une culture. On est en forme. Le soleil vient d'arriver. Ah! Oui, mais d'habitude, je tiens cette bonne humeur-là le matin parce que normalement, j'anime à... Ben, en fait, je suis chroniqueuse à 8h15. Ouais. Là, je me sens bouleversée. Là. C'est pas si pire. On a beaucoup plus de chroniqueurs à 7h30 qu'avant. Oh, on dirait que c'est le début de la journée pour moi. Ouais. Donc, le temps de culture, c'est ta chronique à un spectacle, évidemment. Et oui, évidemment. Écoutez, cette semaine, je vais venir comme aux deux semaines. Là, si ça se maintient, là, okay. À date, mon horaire fait que c'est un jeudi sur deux. Donc, j'essaie de vous informer le plus possible de quoi faire à Trois-Rivières. L'été, on le sait, la ville, elle est en mouvement. Il y a souvent des festivals, des spectacles ou des événements qui sont importants et qui sont très, très, très efficaces et qui permettent autant d'aimer la culture. J'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je veux dire. Arrêtez d'être paresseux puis sortez un peu. Bon. C'est ça, exactement. Hein? Et on va commencer avec ce samedi, le 11 mai. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est la Bibliovente à Trois-Rivières. Oh, hein? Cool. Des livres pas chers. Et que oui, pas cher, 2,50 le kilo. Alors, c'est comme des raisins, ils vendent ça au kilo. C'est vraiment ça. Ça fait cacher. La Bibliovente, écoutez, ça débute à 8h30 le matin. Ça termine à 4h30. Et je vous le jure, là, à partir de 7h30, normalement, il y a une file devant la bâtisse industrielle. Ah, c'est vers 4h, il ne doit pas rester grand-chose. Mais en fait, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup, énormément de livres. Alors, toute la journée, il y a les bénévoles qui remettent des livres sur les tables. Donc, même à 4h30, c'est sûr que... Si tu cherches les livres les plus neufs, c'est le matin qu'il faut que tu y ailles. Parce qu'ils sont rapides, ils passent rapidement. Là. Moi, j'ai rarement eu des livres nouveaux. Là. En si bon état que ça. Ouais, mais c'est des livres qui viennent d'où? En fait, c'est les bibliothèques qui les liquident. Tu sais, normalement, moi, j'ai déjà eu l'histoire de Pi là-bas. Ben, c'est sûrement que lorsque l'histoire de Pi est sortie, ils en ont acheté 20 copies. Ouais. Au final... Il n'y a pas besoin de ça à l'année longue. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, 2 ans plus tard, ils ont gardé juste une copie. Donc, il faut qu'ils vendent les 19 autres copies. C'est aussi les bibliothèques. Donc, oui, c'est les réseaux de bibliothèques, mais c'est aussi les écoles. Ceux qui font le ménage. Des livres qui sont trop vieux, là, c'est là que ça devient intéressant pour moi, ouais. Parce que je suis une historienne. Alors, j'ai réussi à me prendre beaucoup de livres là, sur l'histoire qui date de l'époque. Alors, c'est vraiment intéressant, mais il y a vraiment de tout, là. Donc, je parle de vieux livres, mais il y en a aussi des nouveaux, autant des CD aussi. J'ai pogné un CD de Backstreet Boys là-bas. Et voilà. Donc, il y a vraiment plein de choses. Il y a des revues aussi. C'est vraiment tout divisé par section. Donc, géographie, histoire, il y a des livres anglais, encyclopédie ou ainsi de suite. Ça vaut vraiment la peine. Tu arrives là-bas avec 2-3 sacs et c'est au kilo. Donc, c'est sûr que si tu prends des encyclopédies, ton kilo va venir rapide. Ouais. Mais si tu prends des petits livres, ça vient pas cher, vraiment. Mais c'est une bonne idée au kilo parce que comme ça, ils sont pas obligés de vendre les livres populaires plus chers, les livres moins populaires moins chers. Ça vient compenser l'un pour l'autre. Exactement, en fait. C'est toi qui décides. Des fois, tu fais « Ouais, c'est le comte de Monte Cristo », mais tu fais « il est lourd ». Tu sais, c'est les trucs de même, là. C'est fou, là, c'est pas vraiment par le poids. C'est le genre de questions qu'on se pose pas d'habitude. Là. Non, c'est juste ça. À l'épicerie d'habitude, c'est ça. Maudit qu'il est lourd, ce livre-là. Mais il y aurait dû le vendre à la livre, personnellement, je trouve. À la livre. Kilo. À la livre! Oh, wow! Je la pogne! Ils ont jamais pensé, en plus, sûr. Ben, en fait, c'est qu'ils ont. C'est peut-être juste parce que leur machine qu'ils ont monte le kilo. Bon, tu vois, moi, je me suis retrouvé une machine qui compte les livres juste pour le jeu de mots. Parce que d'ailleurs, là-bas, vous pouvez savoir comment coûte votre package que vous avez ramassé avant d'arriver à la caisse. Ça, c'est intéressant aussi. Là. Mm-hmm. Il y a des balances un peu partout là, qui fait ah, ouais, j'ai emmené 20$. D'ailleurs, hein, je pense pas qu'ils prennent. Je m'en rappelle plus. Pas de débit, pas de crédit, on amène un montant. Moi, c'est cash, ouais. En même temps, c'est ça. Fait que c'est vraiment là, une belle bibliovente. C'est sûr qu'au début de la journée, il y a beaucoup de monde. Mm-hmm. Mais sinon, là, ça vaut la peine. Il y a des beaux livres. Si vous voulez juste avoir... Tu sais, des fois, on veut se faire des belles bibliothèques. Ça paraît bien. Mais ça coûte cher. Non, mais moi, tous mes classiques, je les ai pris là-bas. Là. Mm-hmm. Mes Molières, mes Camus, mes Musset, c'est là-bas que je les prends. Ça sent rien d'acheter ça. On dirait qu'il y a nomme des sortes de céréales, mais oui, Camus. Mes muesli qui sont là, mes Camus. Mes Camus, mes muesli. Alors, mes Dickens aussi, j'en prends quelques-uns là-bas. Au miel. Au miel. Mes Dickens au miel. Mes Dickens au miel. Alors, ça vaut la peine. C'est à la bâtisse industrielle. Et là, vous faites la bâtisse industrielle. Oh, comment non? Alors, c'est juste à côté du Ludoplex. Oui. C'est juste en arrière. Ben, c'est là où il y a l'expo, finalement. Et c'est là qu'une autre fois dans l'année, il faut se présenter pour le truc où ils vendent des vélos et des trucs comme ça, yep. De la police. C'est, oui. C'est le même genre c'est de choses. C'est la même place. C'est le fun, ça. Alors, juste en arrière du Collège de la Flèche, la bâtisse industrielle, c'est à 8h30, de 8h30 à 4h30 ce samedi. Mm-hmm. Ne manquez pas ça. Ça bon, vaut la peine. Ouais. Ça arrive une fois par année. Moi, je suis triste, je peux pas y aller. Allez-y pour moi. T'es tellement trop occupé. Voyons ben donc. Oui, mais je t'en avais. Mais c'est souvent. Alors, ça, c'est pour ce samedi. Donc, en fin de semaine, c'est ça que vous allez faire samedi. OK. Pour ce qui est de vendredi prochain, le 17 mai. Donc, à 18h30, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la visite gustative de Repérage 3 au Centre d'exposition Raymond Lagnier. Et là, je vous entends dire, la visite gustative, c'est quoi? Limite bien notre public cible, je trouve. Je sais. Je limite parfaitement bien. Alors, qu'est-ce que la visite gustative? Eh bien, c'est un concept qui a été développé par le Centre d'exposition Raymond Lagnier. Où est-ce qu'on invite des traiteurs? Oh, parce que, bon, je travaille là-bas. Bon, on va se c'est dire. Dit, bon. Transparence. On invite des traiteurs de la place, donc de Trois-Rivières. On va pas aller chercher McDo ou Sodexo, là. Oups. On va aller chercher des vrais traiteurs. Hein? Bon. Où est-ce qu'eux, en fait, doivent s'inspirer d'une œuvre qu'il y a dans l'exposition et elles sont faites en bouchée. Donc, on a une œuvre devant nous, il y a une bouchée à l'avant et là, c'est beau de retrouver la ressemblance. Les billets, en fait, c'est 30$. On a le droit à 20 bouchées. Et là, c'est une exposition qui est particulière parce que c'est Repérage 3. Repérage 3, c'est un comité qui va sélectionner pas les plus belles, mais les œuvres qui sont le plus remarquables chez les artisans trifluviens, chez les artistes trifluviens, pour faire l'exposition. Ça permet, en fait, à l'Auto-Québec et à la Ville de Trois-Rivières d'acheter ces œuvres-là. Donc, c'est un peu une vitrine pour les artistes de Trois-Rivières et de tous les styles. Quand on a une visite gustative où est-ce qu'il y a juste deux artistes, ben parfois, les couleurs sont les mêmes. Donc, les bouchées... Oui, mais ils ont chacun leur style, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Quand il y a juste deux artistes, ça vient comme redondant. Mais là, avec Repérage, on a en fait une trentaine d'artistes. Alors, les bouchées vont vraiment être différentes les unes des autres. Et là, les traiteurs, là, je vous nomme en rafale, là, le Box Traiteur, le Rouge Vin. On a des fois le Carlito qui vient. On a tout le temps Minuscule qui vient faire des les desserts. Les petits gâteaux, les petits la chocolaterie Sanson aussi. Et le Cheval Sautoir. Donc, des traiteurs qui sont vraiment... Des traiteurs de luxe, là, on va se le dire. Là. Leur bouchée, là, c'est souvent crevette, mousse de saumon et ainsi de suite. Là. Mais c'est tellement bon. Et avec le 30, ça coûte 30$, mais tu sais, on ressort de là complètement plein. On a droit à 20 bouchées et une consommation gratuite sur place. Et on a du bon vin. On a du bon vin. Mmh. Alors, ça vaut la peine. C'est vraiment, ça permet non seulement de découvrir les traiteurs de Trois-Rivières et de les encourager, mais aussi de découvrir les artistes de la région et de se bourrer la face. Parce qu'on dit 20 bouchées, là, mais... Oh. Tambourine. Ça rentre au poste. Alors, la visite gustative, elle se fera au Centre d'exposition Raymond Lagnier, qui est juste en haut de la bibliothèque Gatien-Lapointe au centre-ville. Les billets sont au coût de 30$. On peut les acheter à la billetterie de la salle Jean-Antonio Thompson ou en ligne, donc sur enspectacle.ca. Et c'est à 18h30, donc 18h30 vendredi prochain. Ça vaut la peine. D'ailleurs, il y a un concours Facebook pour gagner des billets de la visite gustative. Je vous invite à aller voir le Facebook de la Maison de la Culture. C'est là qu'on peut y participer. Ça vaut la peine. Oh, c'est tentant, hein? Vraiment? Ah, sérieux? Moi, je suis triste parce que le concept a été inventé et je travaillais déjà là-bas. Je peux jamais vivre la visite gustative parce que je dois travailler. Mais vu que tu travailles là, est-ce que tu peux manger les restants après? En fait, au départ, c'est oui. C'est restant, il y a. Mais c'est ça, en fait. Au départ, c'était un peu moins connu, les visites gustatives. Donc, on ramenait des bouchées à la maison et mais on là, mangeait y a, sur y a place. Plus de restants. Mais là, c'est tellement rendu populaire qu'il ne reste plus rien. Fait qu'il faut s'arranger vraiment. Au départ, on soupait pas, là. On soupait sur place, là, en changeant les plateaux et tout ça. Mais. Fait que là, t'as ton petit repas congelé pendant que tout le monde mange ses bouchées. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, là, c'est, nous autres, on n'a pas payé, on va pas. Puis on est trop dans le jus pour manger, là. Alors, maintenant, non, on ne peut plus. On se fait juste dire à combien c'est bon. Oh. Jalouse. Un jour. Donc, on rappelle la date, c'est vendredi le 10. Vendredi le 17 mai. 17 mai, parfait. Oui, donc, c'est vendredi prochain à 18h30. 19h30 au Centre d'exposition Raymond Lagnier. Je vous recommande fortement d'y aller. J'aime ça, ça inclut nos auditeurs en rediffusion. Oui, en rediffusion, mais oui, c'est en fait, la bibliovente Too Bad For You, la visite gustative, vous pouvez tout de même y aller. Et là, ça va être mon dernier topo de la journée. Je vais parler du Festivois. Et là, vous êtes bon, le Festivois. Parfaite ton imitation. Bon. Mais écoutez, cette année, je suis ô combien fière de mon Festivois. Pourquoi? Parce que on a enfin des vrais artistes émergents qui sont présentés. Je n'étais pas une grande fan du Festivois. C'était tout le temps des... on va pas se le cacher. Là, on ciblait beaucoup les baby boom. Les baby boom et ceux qui sont en majorité population Trois-Rivières. Et nous, pauvres étudiants qui aimons la vraie musique, n'étions pas satisfaits avec le Festivois. Eh bien, on nous a finalement écoutés. Alors, le Festivois, il va se tenir du 27 juin au 7 juillet. Et là, je vous en nomme quelques-uns. Il y en a des plus connus là, qui en valent quand même la peine. Mais on parle de Karim Ouellet. Oh yeah! C'est la première fois qu'il vient de Trois-Rivières, il n'est jamais venu. Alors Karim Ouellet, qui est malheureusement en première partie d'une première partie, mais c'est pas grave, moi je vais être là. C'est genre Karim Ouellet, Random Recipe et Loco Locas. Donc c'est pas si pire quand même comme bloc. Ben ça va être clairement une belle soirée. Salomé Leclerc aussi, qui est une autre. Bonne. Elle est tellement bonne, on va se le dire, elle est belle comme un cœur. Ok oui. Il y a aussi notre cher Louis-Jean Cormier qui va être là en spectacle plein. Donc, c'est lui qui va être la première. Feature, yeah. Le feature, exactement. Salomé Leclerc aussi. Ils sont sur les voies lyriques, je pense. Donc, ou poétiques, là, donc les petites scènes sur les à-côtés. Karim Ouellet va être sur la scène populaire. Donc, justement, la première partie de Random Recipe. Ça monte pas mal. Sa carrière est partie pas mal. Ah, Karim Ouellet, il n'y a plus de problème avec ça. Il va y avoir aussi les Sœurs Boulay, les belles Sœurs Boulay, qui ont été ici à la Maison de la Culture il n'y a pas très longtemps. Moi, je les ai manquées. Ça me donne l'occasion de les revoir encore une fois. Random Recipe, je l'ai mentionné. On a aussi la belle Jorane qui a une belle carrière devant elle. Et les Trois Accords aussi, que j'ai aussi manqué. Ça va être drôle. Qui sont en fait la même soirée que Lisa Leblanc, je crois. Yay! Lisa Leblanc qui est la première partie des Trois Accords. Oui, c'est ça. Fait que ça va être pas mal drôle. Puis là, en fait, je en mentionne, mais je pense que Yann Perrault aussi, non pas je pense, Yann Perrault va aussi être là dans l'hommage au coloc qui va se faire sur la scène populaire. Et dans cet hommage-là, il va y avoir Yann Perrault, Marat Tremblay et Marc Derry. Ça va être très, très bon. Ça en vaut la peine. Le Festivois cette année, ils ont aussi leur prix, les petites tabarouettes, hein? Parce que, Mais bon, 39$ la passe, ça vaut la peine. Et là, c'est sûr que pour ceux qui sont plus locaux, il y a Beers of Legends qui vont aussi se présenter. Il y a June in the Field qui, en fait, c'est le chanteur de East Road et sa choriste Mélissa Brouillette. Oh, ça va être bon, ça. C'est sublime. J'en ai frisson, je savais penser. Deux très belles voix qui s'harmonisent ensemble. Donc, ils vont être là. J'oublie tellement de noms, mais ça vaut la peine. Hey, j'ai un commentaire de Simon Fitzbé qui va être heureux que je le lise en nom. Okay? Bon. Il aime ça. Karim Ouellet, en première partie de Loco Locas, ça va donner la chance aux fans de Loco Locas de découvrir un deuxième artiste québécois. C'est très, très bon. On aime ça. Merci, Simon. Ben oui, merci Simon. Simon qui a sa carte postale sonore un petit peu plus tard dans l'émission. Oh, quelle idée géniale. C'est génial. Ouais. Alors, le Festivois cette année, ils m'ont bien étonné et ils ne me feront pas regretter mon prix du billet. Alors, je vous conseille d'aller acheter votre passe parce que ça va être bon. Les spectacles majoritaires, là, on parle d'Éric Lapointe, si vous voulez. Oui, il y aura toujours ça. Toujours de la place pour ça. Mon chum et un de ses amis se sont dit, on se pète la face et on va chanter mon ange au spectacle. C'est la seule façon que ce soit bon, c'est quand t'es sous. J'avoue que quand t'es sous d'Éric Lapointe, c'est magique. Qu'est-ce qui joue au karaoké les mardis? C'est vrai. Tout le monde chante du karaoké d'Éric Lapointe. Fait que moi, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui vont se faire un running gag d'aller voir Éric Lapointe. En tout cas, mais saoulez-vous avant, parce qu'on va pas se cacher que les bières au Festivois... C'est cher. C'est cher. Ouais. Alors, le Festivois, il en vaut la peine pour cette saison-là. Et pour terminer mon bloc, je vais vous faire écouter une chanson d'un artiste qui va être au Festivois, donc Louis-Jean Cormier, mais pas n'importe quelle chanson. C'est en fait la cassette qui est remasterisée par Mountain Daisies. Donc, il y a 2 semaines, j'ai mentionné Mountain Daisies qui faisait un CD Open Country. Le but, c'est de reprendre des chansons connues à la saveur country. Un excellent disque. Moi, j'ai adoré. C'est sûr qu'il faut aimer le country, mais avec la saison estivale, c'est parfait pour moi. Alors, on va aller écouter la version country de La Cassette de Louis-Jean Cormier. Rassemblage requis à la plage. Mmh. Et France creuse à l'appel, à la une des nouvelles, des messages à deux faces, une pour le cash, l'autre pour les flashs, toujours la même cassette, toujours la même cassette. Les clichés se répètent et la parole s'émiette, des cordes de langue de bois pour mettre le feu à tous les Judas, toujours la même cassette, toujours la même cassette. Et si on la faisait jouer à l'envers pour une fois, en éliminant tous les effets dans la voix, est-ce qu'on y verrait plus clair? Toujours bla bla bla. Recule, avance, recule. Le bon sens capitule devant l'embobineuse, coincé dans l'auto-reverse, toujours la même cassette, la, la, la, toujours la même cassette. Cormier avec la cassette version country, ce qui se retrouve sur l'album de Mountain Daisies, L'Open Country. C'est très, très bon. C'était en fait en lien avec ma chronique, considérant que Louis-Jean Cormier va être au Festivois durant la fin juin, début juillet. C'était bien bon. J'étais surpris moi-même d'aimer ça. Mm-hmm. C'est très bon. Le monde a comme un blocage psychologique face au country, vraiment, à la René Martel. Là. Mais ça, on évolue, on évolue. 2013! J'aime ça, René Martel. Bon. Bon. On ne juge pas. Si tu t'assumes, c'est correct. Ah oui, j'assume totalement mon côté quétaine, là. Ben au moins, tu as quelque chose à partager avec Alexandra, qui est aussi quétaine, ouais, par moment. C'est country américain un peu plus. Ouais. Là, je peux pas mentir. Merci, Alexandra. Ben, ça me fait plaisir. Aux deux semaines? Oui. Donc, jeudi, pas là, l'autre d'après. C'est logique. Ça nous va en plus concret le 23 mai. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne journée à toi. Si tu restes, tu peux rester comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ben, en fait, considérant la tonne de copies que j'ai à corriger. Considérant. On dirait. C'est quoi Considérant que. Oui. Oui. Allez, Léa. Oui. Ouais. Attendu que je dois finir. Souscrire. Souscrire. Ouais. Merci, oui. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pourquoi pas, toi aussi. Pareillement. Bon. Dans quelques minutes, on aura Justine Renaud et ses chroniques Justine Procrastine, une transfusion des palmarès, c'est fou. Tellement qu'on combine les choses ici, on est de même. Plus tard aussi, Simon Fitzbé, sa carte postale sonore. Nouveau concept que Simon nous amène cette année. Donc, bien d'entendre ça. Pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée du Polaris anglophone. C'est The Clicks, avec la 18e place. Oui, Savannah! Savannah! Savannah! Caramba! Caliente! Una cerveza, por favor! C'est à Assemblage Requis, à la plage! Stone cold, don't you know you are my heartache? And I'll go fooling around and chasing old mistakes. You'll be screaming out for more when I'm halfway out the door someday. Take off your clothes and touch the lips that you'll be kissing. Cause I'm halfway out the door and you're screaming out for more, baby. Give your tears a count of four, cause I know I'm gonna hear you say. Au retour, Justine Renaud, et ça existe, mais ça devrait répondre là, à Assemblage Requis. Savannah! Je suis un homme, Savannah. Hey! Clicks! C'est le Clicks, le groupe? Le groupe, c'est Clicks. Fait que tu sais, je suis un homme, Savannah. Clicks. La pièce s'appelle Savannah. De Clicks. Cool. Un clic? Oui, clic sur la chose qui va jouer pour passer à la pub. Okay. Oui. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Musique de demain, aujourd'hui, 89.1 FM. Sur le jockey à la plage, avec Stéphanie Paradis. Jean-Philippe Charbonneau. Ukulélé. Non, Mathieu Plante. Mathieu Ukulélé Plante. Mathieu Ukulélé. André, tu dis en cul quand tu... Donc oui, c'est toujours Assemblage Requis à la plage où on combine le meilleur des pas mal assez fous et le meilleur d'Assemblage Requis. Et là, on doit se trouver des petits noms parce qu'on se dit, premièrement, nous, on est au sommet de cette émission-là. On accueille nos amis collaborateurs chroniqueurs à l'émission. On est comme les géos là, de notre Cumed. Si on veut, on pourrait se nommer donc les géos d'Assemblage Requis à la plage. On aime ça, les géos. Comment est-ce qu'on appelle nos chroniqueurs maintenant? Les autres, là. Les autres, ceux qui viennent combler les trous pendant que... C'est des gens en vacances. Oui. Donc, pourquoi pas? Des vacanciers! Oh! Ouais! Bravo, les vacanciers! J'aime ça, c'est très, très bon. Et là, il faut trouver des petits noms, genre de camp de vacances, un peu. Totem, là. Totem. Un totem. OK. Moi, j'en ai un à proposer pour Mathieu. Pour moi, OK. Donc, vous connaissez l'animal, le paresseux? Hein? Oui. Donc, moi, je dirais paresseux malaisant. Oh, parce que je fais des malaises, des silences. Hein? C'est pas pire? Tu vois, un malaise de plus. Yeah! Bravo, paresseux malaisant. Merci. Qui est le prochain? Moi, j'ai pas d'idée, là. Je suis pas prêt pour ça. Nomme Steph, c'était votre nom, OK? OK, Steph pourrait s'appeler la loutre. OK. Pourquoi loutre? Parce qu'elle l'a suggéré. Mais là, je me souviens plus de la suite. Mathieu, je suis sûr, moi. Steph, choisis ton propre surnom. T'es capable? Tu l'avais déjà en tête. Oui, moi, je vais être la loutre gourmande. Parce que, tu sais, l'aliment de la semaine, on dirait que c'est tout le temps moi qui se bourre la face. C'est vrai. Puis la loutre? Ben, je sais pas, je suis de bonne humeur. C'est une bonne humeur, une loutre? Je sais pas. Ah, c'est bien connu. C'est bien connu. Ben oui, t'as pas vu toutes les photos de loutres qui se promènent sur Internet avec des beaux sourires qui glissent dans l'eau? C'est comme la sitcom avec Dominique Michel, le moi et loutre. OK, c'est ça. Merci. Ouais, Dominique Michel. Fait que là, il reste moi. Oui, Jean-Philippe. C'est toi qui décides. Non, c'était moi, non, mais moi, je le connais pas. Non, j'ai trouvé le tien, Mathieu. C'est à toi de trouver son totem. Come on, mais genre, je sais pas. Velu, en tout cas. T'es velu, donc il y a quelque chose de velu. OK, puis quand même, tu sais, ben, non, je sais pas. Non, mais tu sais, je le connais pas assez. Je veux dire, velu, on le voit. Oui, ben c'est ça. Faut quelque chose qu'on voit et un trait de personnalité. L'animal qui te ressemble côté personnalité. Pas un chat, là. Non, non, non. Pas un petit chat? Pas un chat velu. Ben non, mais c'est déjà velu, je veux dire. Ouais, c'est ça. Faudrait quelque chose... Qui est pas velu. Qui est pas velu. Café velouté. Café velu. Café velu. Oui, velu. Café velu. Great value. Ouais. Écoute, on peut tirer à la sauce, hein? Ça, à date, velu. C'est pas mal ça qu'on fait. On a velu. Chose de velu. Je sais pas, il est vert présentement. Une tourte, c'est pas assez drôle. Une tourte? Tourte velue. Oh, non, mais tu sais. Tortue! La gélinotte pupille velue. Gélinotte pupille velue. La perdrix, tortue velue. Tortue velue, oh, c'est drôle. Ça serait un nom de famille, gélinotte pupille. Oui! Gélinotte pupille. J'ai l'intupé de manière à réception. Ouais, donc, on disait tortue velue. Tortue velue. C'est très drôle. C'est très drôle. Puis en plus, les tortues ninja reviennent à la mode en ce moment. Ouais, attends deux secondes, je vais rentrer ma tête. Je les suis vraiment. Oh. Ah, tout ce que t'as, c'est un peu de poil qui sort. Attends, rentre ta tête encore. OK. Il entend plus rien. Puis ça ressort. Le chasseur. Oh, mais j'ai ressorti ma tête, j'entendais plus rien. Bon, ben, c'est raté. C'est raté. Ben non, mais parce qu'il sait pas, tu sais, qu'il t'a dit qu'il entendait plus rien, ça, il entendait plus rien. Rien. Non. Aidez-moi, je suis tombé sur le dos, là. Ah, non! Oh, les petites pattes dans les ongles! Ouais. Alors, tortue velue. Tortue velue. Malaisant. Malaisant. Puis l'autre... Gourmande. Voilà, c'est bien. On trouvera des surnoms à nos chroniqueurs aussi, ça pourrait leur faire... Nos vacanciers. Nos vacanciers, excuse-moi. Pendant qu'on y pense, tiens, est-ce qu'on fait une petite chronique? Allons-y. Avant que Justine arrive avec son Justine procrastine, elle qui est tout le temps en retard, c'est normal, elle procrastine, hein? C'est dans le nom de la chronique. On peut pas y en vouloir. Mais non. Donc voici Sex Smith, ça devrait répondre là. Ready? Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on se crée des besoins, on règle des problèmes de la vie. Et Stéphanie et Jean-Philippe vont m'aider à trier ces beaux petits gadgets-là et me dire lesquels ils veulent. Évidemment, en suivant sur assemblagerequis.com. Vous qui êtes auditeurs à la radio, ne voyez pas les images, mais j'essaie de vous décrire le mieux possible chacun de ces gadgets-là. Donc, la première chose, c'est que dans la vie, vous savez, le Gambrinus, petit café bistrot, bar près de l'UQTR, sert de la bière à la poutine, on sait ça. Ils servent d'ailleurs une délicieuse poutine. Ah, c'est magnifique, j'en rêve à toutes les semaines, tous les jours. Mais on manque de saveurs de poutine dans tout. Tu sais, eux, leur bière... Ben oui, tu sais, ils font de la poutine à la bière, mais pourquoi ils font pas de la bière à la poutine? Moi, hein? Je te dirais, étant donné le succès de la gomme au bacon, la bière à poutine, j'ai des doutes. Petit doute. Donc, c'est une compagnie qu'on connaît, qui est disponible en épicerie un petit peu partout au Québec, la compagnie Jones. Ils font un paquet de drôles de sortes de bières. Et bien, ils sortent une bière à la poutine. Donc, c'est supposé goûter la grosse sauce brune, les petits morceaux de fromage, les frites maison. Il y a d'autres variations dans la poutine, évidemment, mais c'est ce qu'ils ont choisi de mettre dans cette bouteille-là. Donc, le poutine soda. Si vous voulez plus d'informations, l'article sur assemblagerequipe.com est assez détaillé en termes de texte et de vidéos de gens qui l'essaient. Je serais prêt à l'essayer. J'ai jamais goûté à leur bière, Jones. Mais c'est bière ou soda? Non, moi, c'est pas de la bière. C'est de la bière. T'as raison, c'est de la liqueur. J'ai vu la bouteille et je me suis dit, c'est de la bière. T'as raison, c'est de la liqueur, oui. Mais écoutez, le premier qui trouve ça en magasin, il apporte ça ici. Ah oui. Puis là, on baissera la trame puis tout. Pis, ben, ouais. Mais ça me surprendrait pas qu'on voit ça en épicerie au Québec là, bientôt. Sûrement. C'est pas déjà fait. On vend tellement plein de cossins. Voilà. Donc, compagnie basée à Seattle. Voilà. Ensuite, quand on fait le ménage du printemps, c'est pas mal le moment en ce moment de faire le ménage une fois par année, hein, c'est jamais de trop. C'est que les produits qu'on utilise pour faire le ménage, c'est rarement très bon pour la planète, on sait. Donc on peut faire soi-même ses propres mélanges pour faire le ménage, dont des produits avec... on peut remplacer les produits par du citron. Mais ce qui est plate, c'est de devoir tordre le citron, de le squeezer. Ah, donc oui. Cette bouteille-là... le lemon juicer à l'intérieur de sa bouteille. Et après, il y a un petit bec spray. Donc, facilement remplacé. C'est le Full Circle Come Clean Natural Cleaning Spray Bottle. Allez. Écologique et parfait pour votre petit portefeuille parce que c'est pas trop cher. C'est clairement pas vendu, ça. Mais ça veut dire que quand tu nettoies, tu mets du jus de citron partout? Oui. Ben, mélanger avec d'autres choses. J'imagine que tu mélanges de l'eau avec du citron. Non, mais c'est pas collant. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est ce qu'on essaye de faire. J'imagine que c'est une petite part de citron pour une grande, grande part d'eau pour que ça colle pas. Mais bon, je suis pas un grand nettoyeur. Ah, okay. En fait, t'as pas vu mon appartement, mais tu sais. Non, mais j'ai vu ton bureau, par exemple. Mon bureau, c'est ça. Ouais. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequipe.com pour la vidéo de comment ça fonctionne. Ensuite, quand on, dans la vie, quand on a besoin d'aller à la plage, comme on est en ce moment à la plage, dans le tout inclus de C'est fou, souvent, t'as de l'eau qui va te bonzer ses shorts, et puis là, ça va faire un court-circuit dans tes gadgets, ça. Dans tes gadgets. Donc, un projet Kickstarter qui offre un sac à l'épreuve de l'eau qui est cousu directement dans la patte, dans la jambe de tes shorts. Donc, il y a un bouchon, un capuchon dessus de 3,25 pouces de diamètre. Mètre? Wow! Wow, ça, c'est toute une poche. Ah, pour ma poche, tu ne crois pas bien dire, c'est ça. Parfait, donc, pour les gens qui passent du temps à l'extérieur, qui vont en promenade, où il y a de la pluie, peut-être, des trucs comme ça. Donc, c'est une poche de plastique à l'intérieur de votre short. C'est merveilleux. Est-ce que je suis le seul à trouver que la poche est comme très longue par rapport à où est située? Oui. On dirait qu'elle va dépasser. On dirait un peu comme, tu sais, quand tu sors de l'hôpital avec un... Dans le... Insolité? Non. Dans non. Le... Puis que tu fais pipi dedans, là. On dirait une poche à ça. J'ai jamais eu cette expérience-là, on dirait. Non, moi non plus, mais des fois, dans les images sur Internet, il y a des choses drôles qui circulent. Ben oui, quand tu cherches une poche sur Internet. Ben oui, hein, si t'as pas ça, poche dans Google, ça peut être bizarre. Prochain gadget, c'est le problème qu'on a, c'est souvent de faire tenir son iPhone debout. Tu sais, tu veux montrer une vidéo à quelqu'un ou des photos, tu veux accoter ton iPod ou ton iPhone, mais t'as pas de socle. Eh ben, tu peux en transporter un sur ton porte-clés. C'est le Key Prop. C'est un stand pour iPhone, de la grosseur d'une clé, et ça se branche, ben ça se met après ton porte-clés. Et t'as deux modèles. T'as le modèle qui se met dans le port écouteur du iPhone 4 ou 4S parce que la prise écouteur était en dessous. En dessus, c'est ça? Alors que maintenant, c'est au-dessus. Maintenant, ça se met dans la prise Lightning pour l'iPhone 5. Un petit peu plus de stabilité de ce côté-là, j'imagine. Et après ça, tu peux choisir de mettre des clés en dessous de ton petit porte-clé, qui est un stand, pour augmenter l'angle. Donc, ton stand de plastique est en forme de clé et tu rajoutes des clés en dessous pour le faire lever plus. Donc, c'est un projet Kickstarter qui attend encore d'être complètement fondé. Et en ce moment, ils sont à 9000. D'un but de 30 000 $, donc ils sont quand même loin d'être rendus, mais il reste encore 22 jours. Vous pouvez miser 1 $ minimum sur ce projet-là pour qu'un jour ça se rende jusqu'à la production. Ben, je pense que ça vaut la peine. C'est le fun, ça doit pas être bien cher sur la production. Un petit cossin amical. Ça va être disponible dans les radios chaque à un moment donné. Hein? Ensuite, c'est des petites caisses de bois qu'on accroche sur le mur, un peu pour mettre un pot de fleurs ou une décoration, etc. C'est bien, bien beau. Ceux-là, par contre, ce qu'elles sont de différentes, ces boîtes-là, c'est que ce sont aussi des haut-parleurs. Oui, c'est JVC Kenwood qui nous présente ce design de haut-parleurs-là, qui ressemble absolument pas à des haut-parleurs. Donc, c'est une boîte de bois, littéralement. Il y a plusieurs modèles de plusieurs couleurs. T'as Forest Notes, qui est de 12 pouces, d'un carré de 12 pouces, c'est ça. Et t'as le Forest Notes Mini, qui est de 5,5 pouces. Ils ont un canal 1 watt chaque. Je connais absolument rien en son. Avec une pile lithium-ion et une prise stéréo. Donc ça va se vendre pour entre 600 et 3000 $. 3000 $ du Japon. Je sais pas, pour remplacer des colonnes de son, je sais pas. Ben je sais pas, moi honnêtement ça a l'air tellement pas fini, je m'achèterais 3-4 planches, je me ferais un petit carré avec ça, avec des clous puis. Tu mets un speaker de. Ouais, ouais. Et voilà. Lorsqu'on a des petites barres de courant, c'est pour brancher plusieurs appareils électriques, là, des power bars comme on appelle, elles sont toujours LED et prennent la place et c'est pas beau à voir. Donc les Invisiplug, c'est des power strips, des trucs d'électricité, mais de la couleur de votre plancher. Donc il y a trois couleurs disponibles, vous pouvez choisir et puis mettre ça sur le plancher approprié. Donc Dark Oak, Light Natural et Medium Cherry avec un cordon, un fil de 3 pieds et 6 prises de courant. C'est beau. Bon, pourquoi pas. Faut probablement que ton plancher fit. Ouais, c'est les puis chances que ça arrive. On les voit autant. Tout autant, exactement. La forme reste là. Ils ont beau avoir pris la photo d'en haut pour qu'il ait l'air d'être comme dans le plancher. Mais ça, tu sais, si tu le regardes du niveau du sol, avec le mur, ça fonctionne ça pas. Ça marche pas. Puis là, tu plugues tes trucs fils. Qui sont noirs. Aussi, ou tout simplement, la barre est par-dessus le tas de fils. Ouais, c'est ça. On prend tous vraiment soin de nos fils, je pense, dans la vie. Le prochain gadget est le Barman. C'est un guide pour faire le cocktail parfait. Pour les gens qui aiment boire de l'alcool fort, mais qui veulent mélanger les boissons, par exemple sur la plage, je veux te faire un petit drink. Sex on the beach. Hein? Donc le Barman, c'est comme une balance, une pesée de cuisine. Ça fonctionne exactement comme une pesée. Avec une grande différence, c'est que ça vous aide à perfectionner quand même vos cocktails. Donc c'est un petit bloc de bois avec un écran LED, donc des petites lumières là, à l'avant. Et l'application qui vient avec sur iPhone. Va te dire quel ingrédient mettre. Donc, tu vas mettre un verre avec de la glace sur le barman. Il va compter le poids. Il va t'afficher avec une petite ligne, une petite barre, un peu comme dans Windows quand tu reçois des fichiers. Là, et ça va te dire, bon, mais il te reste tant de quantité à mettre de Coke. Il te reste tant de quantité à mettre de rhum. Donc, voilà. Et puis, une fois que tu en as versé assez, les lumières deviennent rouges. Donc, tu vois vraiment visuellement comment arrêter. C'est un projet sur Kickstarter, encore une fois. Est-ce qu'on va voir s'ils avancent près de leur but? Ils ont dépassé leur but déjà. Il leur reste encore 16 jours, donc ça pourrait se rendre assez loin, cette idée-là. Le barman pour la maison. Je trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a en métro? Il est-tu fâché, tu penses? T'es tombé sous l'ombre! Mes profits! Ensuite, alors ça, c'est un petit robot qui va te permettre de savoir si t'as mauvaise haleine ou si tes pieds sentent mauvais. Ah, pas besoin d'un robot. Ben non. Mais pour la haleine, ça peut être difficile. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est développé par Crazy Labo et le Kyushu National College of Technology au Japon. Donc, c'est un robot qui sent vraiment ta bouche ou tes pieds et va te dire si tu sens mauvais. Qu'est-ce que ça dit aussi? Lorsqu'une personne respire dans sa face, l'humanoïde va analyser et quantifier les composantes de leur... de l'air qui sort de leur bouche. Haleine. De leur haleine, carrément. Décrire les mots, et Jean-Philippe est tout le temps là, savoir c'est quoi le mot tellement évident que je cherchais. Donc, ça utilise des sensors d'odeur qui sont disponibles déjà. Donc, c'est pas des nouvelles affaires qu'il y a là-dedans. Mais le gadget avec la face de la femme, parce que c'est en forme de face de femme, et t'as aussi le chien. Donc, la face de la femme, c'est pour la laine, et la face de chien, c'est pour les pieds. C'était-tu vraiment nécessaire? De les faire en forme de chien et de femme? Ouais. Peut-être pas. Mais moi, ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà écouté le film Richie Rich. Oui, le renifleur. Oui, c'était une espèce de machine, puis ça sentait, puis ça pouvait dire tout les ingrédients qui composaient l'odeur. Foie de veau. Parce qu'il a pointé le chien, oui. Puis il avait donné du manger de table. Uh-huh. Oups, oh, ça, c'était hot. Ah, c'est un bon film. Encore une autre référence que je prends pas, parce que j'ai vu aucun film dans ma vie. Ah, mais ça, c'est bon, là, c'est un classique. Okay. Tu te prêteras la cassette. Tu feras une liste de classiques. Ensuite, on peut se permettre d'accueillir Justine Renaud si jamais elle veut parler. Je sais que j'ai pas parlé depuis tantôt, donc si jamais elle veut parler. Allô, Justine. T'as le droit. Ensuite, une poubelle intelligente qui permet de savoir, en fait, qui permet à la ville de savoir quand la poubelle est pleine. C'est bien ça. Ben, c'est très très bien parce qu'on paye dans le beurre les employés de la ville pour aller vider les poubelles qui sont pas vraiment vides. T'sais. Donc la ville paye dans le beurre. Ça crée de l'emploi, donc c'est une bonne chose, mais un peu comme, tu sais. En même temps, tu sais, si on peut sauver là-dessus, je sais pas comment penser, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont dire c'est mieux que de créer de l'emploi en faisant faire absolument rien à quelqu'un. Il y en a qui vont dire. En tout cas, bref. Prenez ça comme ça vous tente, mais ces poubelles-là, c'est des Big Belly. Donc, deux choses assez spéciales, c'est que premièrement, il y a un panneau d'énergie solaire pour compacter les poubelles à l'intérieur. Donc, le panneau solaire qu'on voit sur le dessus de la poubelle. Il y a des sensors qui vont déterminer si la poubelle est pleine. Et quand ça détecte que la poubelle est pleine, ça envoie un courriel aux gars qui ramassent les poubelles, évidemment, pour leur dire de venir les chercher. Donc, une seule Big Belly coûte 7 000 $. Vraiment pas cher. Mais par contre, il y a une ville, Raleigh, aux États-Unis, qui a remplacé 32 de ses poubelles traditionnelles avec 10 Big Belly's sur la rue Fayetteville. Et ça a descendu les coûts de ramassage de poubelles de 40 000 à 1 600 $ Donc, ça a vraiment beaucoup réduit leurs coûts. Ah, ben c'est un bon investissement, je pense. Je pense que oui aussi. Tu peux toujours mettre tes employés ailleurs ou leur faire faire d'autres choses, j'imagine. Ensuite, tiens, un verre qui te permet de brasser en même temps. Parce que vous savez, quand on achète un café, n'importe quel bar, des fois, tu oublies le bâton. Ah, ben oui. Ça, c'est fâchant. Ça arrive souvent. Donc, s'il y avait ces verres-là, on n'aurait plus ce problème-là. Donc, c'est un... est-ce que ça a un nom? C'est le Plus 4.5 Paper Cup. Wow. C'est bien ça, voilà. Donc, ça ressemble à un verre de bien normal dans lequel tu mets un café. Il y a une petite poignée attachée après ça. Et quand tu regardes de plus près, tu vois que tu peux déchirer le côté de la tasse pour faire un bâton. Hein? Portion déchirable. Tu brasses ton sucre. C'est cool, hein? Ouais. Bref, ça a gagné le 2013 IF ou IF Design Award dans la catégorie Concept Design. C'est par Hong Sang Kim et Inye Wang. Je pense qu'un jour, ça devrait être partout, ça. Je sais pas, hein? Moi, je suis pas convaincu. Pas moi non plus. Non, hein? Ben, c'est sûr que ces bâtons-là ont touché à bien des choses, hein, étant donné qu'ils sont peut-être genre dans... Ben, les autres bâtons aussi qui traînent sur le comptoir. Hein? C'est ça. Ben, je sais pas. Non. Moi, je continue de penser qu'ils devraient mettre des linguinis. Ben, il y a des places qui font ça. Oui, c'est ça, j'ai vu, ça devrait être comme ça partout. C'est super écologique. Très, très bonne idée. Après ça, tu peux le manger, ton linguini. C'est bon. Si tu brasses ta sauce Alfredo, puis c'est parti. Ah, ta belle tasse de sauce Alfredo que tu bois chaque matin. Tellement. Ensuite, quand tu as du beurre froid, c'est vraiment la pire chose au monde d'avoir du beurre froid. Ben oui. Donc ici, c'est comment ajouter de la saveur. Ça se casse un petit peu la tête parce que tu vas devoir laver ce gadget-là. C'est comme un cheese grater, une affaire pour le fromage, une râpe à fromage que tu twists. C'est comme un genre de canne, si on veut, tu mets ton fromage dedans. À la place, tu mets ton beurre. Tu squeezes et ton beurre qui est froid, vu qu'il y a de l'air et de la chaleur de ta toast, mettons, va. Il est râpé finalement. Il est râpé et non pas un bloc, ça va être beaucoup plus facile de la faire fondre. 23$ de vendeur japonais, allez voir sur assemblagerequis.com. Je trouve que l'idée est parfaite, moi. Sinon, n'importe quelle râpe à fromage. Mais ça a l'air tellement pas lavable. Non, moi, c'est ça. Honnêtement, là, sors-les la veille ou mets-les au micro-ondes, puis ça va être plus facile à laver. J'avoue. Sors-en juste une petite partie. 10 minutes au micro-ondes. 10 minutes. Et l'affaire est dans le beurre. Ensuite, ça, j'en parle pas mal à chaque année parce qu'à chaque année, ils ressortent l'article. C'est un grill, un barbecue au charbon pour le balcon. C'est super cool. Donc, si vous vivez dans un appartement et que vous avez le droit de faire de la fumée sur un balcon, c'est pas partout. Là. Le barbecue Bruce Handrail Grill, qui prend pas plus de place que des pots à plantes. Là. C'est un grill donc, qui fonctionne au charbon. Ça vous donne juste assez de place pour 2-3 burgers. C'est environ 77$ et ça devrait être dans sur chaque balcon du monde. Pour les célibataires, ça. Hein? Oh, mais même en couple, là, je veux dire. Il n'y a pas assez de place. Non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Ben, si tu le dis, là, mais je sais pas. Ben, t'en achètes deux à cette petite-là. Oui, un à côté de l'autre. Pourquoi pas? Cuisiner en couple? Ouais. C'est sûr que c'est plate pour le charbon, parce qu'apparemment que le charbon, une fois que tu l'as allumé, ça reste allumé longtemps. Faut t'attendre avant de... Faut qu'il s'éteigne tout seul, je sais pas trop quoi. Comme, c'est long, hein? Ben, je sais pas. Moi, j'ai un barbecue au gaz. Ben, c'est ça. Moi, je m'en servirais pour me faire à déjeuner le matin. C'est cool. Yeah. Si vous êtes un parent responsable, vous voulez mettre votre enfant en sécurité en quelque part, et quand vous allez aux toilettes au centre d'achat, c'est difficile parce que vous pouvez pas. Ben c'est difficile de l'amener avec vous si la toilette est pas très très large, le stall, la place avec une porte. Là. Donc pendez votre bébé par son. Ben là, pendez votre bébé. Ben, c'est un peu ça finalement. Il y a des crochets. Ouais. C'est un habit. C'est comme un habit de soutien que tu peux mettre sur ton dos d'habitude. C'est comme un genre de sac pour en. Ben pas un sac, mais c'est un porte-bébé, comme on connaît. Ouais. Pas un kangourou, genre. Genre un kangourou. Mais le reste en arrière se déconnecte d'après. Il y a des crochets pour attacher après une toilette de centre d'achat. C'est génial. Je fais ça avec mes souliers, moi. Oui. OK. 40$ pour ce gadget-là. Je vais en sauter quelques-uns, ça ne me dérange pas trop, parce que j'aimerais qu'on enchaîne rapidement avec le prochain. Tiens, c'est pour faire des toasts. Tu sais, des fois, quand vous avez de la misère à prendre votre rôti avec un couteau. Oui, tu sais, quand tu mets ton couteau dans le toaster. C'est ça, tu prends facilement. Je peux pas croire. Hein, toute notre enfance, ils ont dit de pas faire ça, puis qui le fait pas, genre? Ben moi, ben, je le fais jamais. Pas ça, moi. Non, Justine, on se comprend, on fait jamais. Vous ça. Jamais? C'est dangereux. Ben non. Ben moi, je la soulève un peu. Là. Ben c'est ben, pas faut correct. Pas, faut pas tu le rendes profondément ben non, avec tes sous d'ingriage. Ben non, ça c'est sûr, mais je la soulève un peu. Non, mais moi, d'habitude, je prends une fourchette. Comme ben ça, oui, non. On m'a jamais dit de prendre la fourchette. Exactement. Non, mais la fourchette, tu peux la piquer dans ta toast. C'est ça. Ah, j'avoue. Tu sais, le couteau, ça. Mais bref, pour les gens qui ne sont pas prêts à prendre ce genre de risque-là, c'est le toaster horizontal, lié de Arzim Frin, voilà, qui vous permet d'accéder à votre pain par le côté. Mais en fait, c'est une seule tranche de pain à la fois ou un demi-bagel. C'est ça qui est vraiment dommage. J'imagine qu'on doit pouvoir rentrer un bagel complet dans la fente. Là, on le voit un petit peu mal dans la photo, mais il y a juste une fente. C'est le but de la chose. Il y a seulement une fente. Alors vraiment, le grille-pain, ça rentre par le côté. Tu mets ça dans un petit socle, tu rentres à l'intérieur, ça cuit et ça sort par le côté. Mais tant qu'à ça, ça fait comme les anciens grille-pains, c'était deux panneaux qui ouvraient sur le côté. C'était beau. Ben oui, mais... Comme un ange. Ma belle-mère a ça à son camping. Je trouve ça génial. C'est full vintage, puis les toasts sont bonnes. C'est puis ça. T'as pas besoin de couteau pour rentrer ça là-dedans. Ça... C'est comme ça qu'on a commencé la phrase, le quartier Twitos, hein? C'est ça? Oui, exactement. Oui. Quartier Twitos. De 1980. C'est ça. Ouais. 72$ pour ce Harrison Fern toaster horizontal. Mais c'est beau, par exemple. C'est très joli. Très, très, très joli. Il en font-tu des mauves? Aucune idée. Prochain gadget que tu vas vouloir, Stéphanie, c'est un portefeuille avec un ouvre-bouteille de bière sur le côté. Mmh. Oui, les portefeuilles minces sont très à la mode en ce moment. Les compagnies le savent et donc ils trouvent de nouvelles façons d'attirer leurs clients. Donc ici, c'est un clip qui peut tenir jusqu'à 5 cartes de crédit. Un clip pour l'argent sur le côté aussi. C'est fait à partir de stainless steel coupé au laser et avec soit un plastique imprimé 3D ou encore du vrai bois à l'extérieur, donc pour faire le design, le look de la chose. Et puis ça inclut donc un ouvre-bouteille que n'importe qui pourrait avoir besoin dans sa vie. Donc 59$ pour le modèle de plastique, 79$ pour le modèle en bois. C'est donc le Brew Clip. Et c'est ça. C'est sur, je crois que c'est, est-ce que c'est sur Kickstarter encore une fois? Oui, encore une fois. Donc un jour, ça sortira peut-être. Une autre affaire que Steph encore va vouloir, c'est une bague avec une cassette de Nintendo minuscule dessus. Donc, les gamers vont adorer ça. C'est une personne sur Etsy, une vendeuse qui s'appelle Jess. Oh my geekness, c'est son surnom. Et c'est disponible en gris ou en doré. Évidemment, vous pouvez matcher le jeu de NES, ça, c'est la Nintendo Entertainment System, que vous voulez avec la couleur que vous voulez. Mais là, seulement les vrais gamers vont vraiment choisir la couleur dorée pour le jeu qui allait avec la cassette dorée. Parce que Legend of Zelda était doré. Mais tu mettras pas Duck Hunt en doré, là. Ben non. Donc voilà, c'est de petits modèles de bagues. Mais, Doc Hunt, c'est malade. Il y a même les boucles d'oreilles. Oui, ils font les boucles d'oreilles. Ils font des cufflinks sur les boutons de manchette aussi. Donc c'est entre 16 et 25$ pour ces gadgets-là. J'adore. Ah, pas si pire. Pas pire. Le prochain, en bref, là, apparemment que ça s'en vient, c'est le PayTouch qui va vous permettre de payer votre compte de débit ou de crédit en magasin quand vous allez en magasin. La petite machine, à la place de rentrer votre nez, vous allez passer vos deux doigts dessus. Donc, j'en parle rapidement comme ça parce que j'espère que ça va s'en venir un jour. Hein, mais c'est ce que j'ai reçu, moi, comme courriel. J'ai reçu un courriel, je peux downloader une application avec une carte de crédit, puis tu passes ton cellulaire à cette heure. Oui. C'est cool. Ben est-ce que c'est pour les Android, genre avec le NFC, le Near Field Communication? Non. Pour l'iPhone aussi? Ouais. Cool. J'imagine qu'il affiche quelque chose à l'écran et puis tu scannes ce qu'il y a à l'écran. Top. Quand je fais ça, j'ai l'impression que je vais lancer mon téléphone. Ouais. Ensuite, le prochain gadget, il nous en reste vraiment pas beaucoup. C'est une montre qui vous permet de voir toutes les heures de partout dans le monde, ou presque les grandes villes, les villes majeures, sur la même montre. Donc, c'est littéralement une montre avec chaque aiguille qui est représentée par un monument du pays. Par exemple, la Tour Eiffel pour la France, le Big Ben pour le Royaume-Uni. C'est chaotique. Ben oui, c'est quasiment lisible. Et chaque heure est évidemment à l'heure où c'est présentement, où on est présentement dans ce pays-là. Donc, très bonne idée. Ça doit être super cher. Je me rappelle pas du prix. $200 américains, voilà. Il y en a seulement 100. C'est chez Mr. Jones Watches. C'est la Time Traveler Watch. Donc, allez voir la petite vidéo et les photos pour voir où on est dans le monde et quelle heure il est. Voilà. Crème glacée pour chien. Vous savez, quand on est déprimé, souvent, on va manger de la crème glacée. Ben votre chien aussi a besoin de ça. Pas besoin d'être déprimé, je mange ça tout le temps. Toutes les raisons sont bonnes. Ben, pour votre chien aussi, toutes les raisons sont bonnes. Sauf peut-être le prix de chaque pot de crème glacée ici. C'est pas comme un peu comme le beurre de peanut pour chien, là. T'avais déjà sorti oui, ça. Exact. Ça ressemble à ça. Donc, c'est la compagnie Arf Scarf qui a sorti ça. C'est la crème glacée pour chien à saveur de bœuf, entre autres, poulet et cheddar, burger Gouda, etc. Donc, chaque pain de crème glacée de 3,5 onces va coûter $3,50 américains. Et un ajout de $8 pour l'envoi rapide. Si vous voulez pas que ça fonde dans le shipping. C'est mal au cœur. Au poulet. Crème glacée au poulet. Ça doit pas être si pire. Non. Pour les femmes enceintes aussi. Il y en a-tu au pickle? Au cornichon? On saute encore un petit peu. On y va avec... Ah, celui-là, c'est vraiment bien. C'est le Solar Windows Socket. C'est une petite prise de courant que vous collez sur votre fenêtre. Okay? Et quand il y a assez de soleil qui est allé dans le gadget, Le gadget, dans le fond, accumule l'énergie et tu vas pouvoir brancher ton fil dans la prise et avoir un petit peu de courant. Donc, c'est une prise de courant qui va dans ta fenêtre. C'est cool. Hein? Faut que tu sois mal pris. Mais quand même, mal pris ou en voyage. Soit dans un pays chaud. Tu colles ça, tu recharges ton téléphone. Non? Oui, c'est ça, où il n'y a pas les mêmes prises électriques, si c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Parfait. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs modèles pour différentes prises de courant. Ça, c'est des prises de courant. Je ne sais même pas dans quel pays, mais c'est deux petits. Ça a l'air européen. Ça a l'air européen pour moi. Je me demande encore lesquels sauter, parce qu'ils sont tellement tous bons, les derniers. Puis les sauter, tu vas quasiment les avoir toutes faites. Non, j'en ai sauté comme une dizaine. En tout cas, le prochain est en fait quelque chose qui a été créé par une personne. Donc, c'est pas un produit qu'on peut acheter. C'est un manteau fait de sable, de sacs Ziploc où on peut insérer ses collations M&M, chips et sandwich. Donc, c'est le Ziploc bag de Diane sur Internet. Si vous voulez aller voir les photos de ces poches-là, elle a mis des céréales Cinnamon Toast Crunch. Donc, elle a du goût. Des bébés carottes, je tripe moins, mais peut-être de la petite trempette. Ouais, c'est lait en maudit. Je sais pas, c'est une poche pour la trempette. Ouais. En tout cas, tout le monde sait c'est quoi tu vas manger. Oui, ton repas est annoncé à l'avance. Mais oh, ta sandwich a l'air plate. Ouais, ah, je c'est sais. Dégueulasse. Ben, elle a l'air plate parce que j'imagine que t'as mis ton manteau par-dessus et t'as aplati ta sandwich. Tu sais, t'as eu chaud, là. Fait que là, elle a comme tout chauffé un peu. Ah, wesh. Ah. C'est. Ah. Donc, voilà pour Sex Smith, ça devrait répondre là. Ça l'a fait le 3 quarts, mettons. C'est possible. C'est que chiant. Oh. Les photos sont magnifiques. Assemblagerequis.com pour tous les liens de cette chronique, bien évidemment. On va terminer cette heure-ci, en particulier à l'instant, le temps d'attendre que la pause passe. Et après ça, Justine Renaud. Et moi, je vous quitte. Oh non, ben non. Ben, j'ai pas le choix. Ben, c'est triste. Mais je vais revenir, là, je suis pas loin, je vais juste être au bar. Oui, on reste sur la plage. Nous ben oui. Tu t'en vas boire parce que c'est ce que tu fais dans la vie. Tu vas boire. Oui, c'est ça. Moi, je paye pour boire. Tu vas peut-être faire un petit tour au gym pour brûler les calories que tu as bu. Hein? Oh non, je vais juste continuer à boire. On est en vacances, on peut s'en permettre. Donc, Justine, avec Justine Procrastine, dans quelques minutes, qu'est-ce que tu veux nous présenter tantôt? Ça va être que c'est bien. Je sais que t'es pas nécessairement fan. Tu m'as fait une face. Là. Non, je trouve ça. Mais moi, c'est pas du hip-hop. Je trouve ça que c'est bien. C'est pas mal bien. Oh! Merci. Pour l'instant, on prend une pause. Restez là, assemblage de qui à la plage. Je reviens dans deux minutes. Ah, c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. C'est la troisième heure d'Assemblage Requis à la plage. Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Oui, Stéphanie Paradis nous a quittés entre-temps. On sait, elle l'a dit. Elle est avec nous en pensée. Oui, elle est au bar. Ouais. On la voit d'ici. On peut faire des gros tatars. Ça sent l'alcool. Oui, c'est ça. Justine Renaud est avec nous aussi. Elle s'en vient là vraiment en deux minutes, je pense. On la remet tout le temps plus tard. Mais... J'arrive dans deux minutes. Deux minutes à peine. Le temps qu'on joue une pièce du palmarès, que Jean-Philippe va nous choisir parce qu'il est tellement bon pour choisir la musique. Choisis-en une bonne. Une bonne. Est-ce qu'on y va en franco ou en anglophone? Comme tu veux. Espagnol. Espagnol, merde. Ça t'entend-tu du boy? Boy. Hey, c'est oui. Bon, ça. Boy, oh boy. C'est vrai que c'est très, très bon. Nouvelle entrée, palmarès anglophone. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ça. Ouais, j'adore ça. Je savais pas qu'il était sexiste. On n'a jamais travaillé ensemble, mais commence mal. Là. Ouais, ben, je suis un gars de même. Ouais. C'est quoi le nom de la pièce? Oh boy! Oh boy! Et quand je vais me rendre, croyez-le ou non, je vais me rendre. Ben, tu sais, moi, je suis pas sorteux. Hein. Ouais, prends ton temps. Pas de stress. Plutch. C'est l'été. She's so easy to fall for, but boy, she's so hard to hold. She looks at you like a warning. You know you're gonna be hungry when you get home. Her lips make the cherries and the berries and the apples look pale. She could ask anything, you would do anything, no matter what, you would obey. And she turns every room into a dance floor. But she turns and she sways and she spins. And you're standing still like a statue, and you can't take your eyes off her skin. Oh boy, you better slow it down. gray and cold. You keep looking up, but still never, ever look down. Oh, look at this part you've chosen. You're the jester of the queen. She's the queen of the town, and you wish she was in a movie. You could watch at home 10 times a day. Or you could just sit without having to think about something important to say. C'est Boy avec Oh Boy, nouvelle entrée du plus récent palmarès en position 16 anglophone. Évidemment, on vous rappelle que les palmarès s'étirent du 29 avril au 12 mai. Donc, c'est pour ça qu'on n'en joue pas tellement que ça cette semaine. Parce oui, surtout en stretching. En stretching avec la petite short. Là. C'est beau à voir sur la plage comme ça. Ça dépasse. Ça flacote. C'est bombé. Donc, c'est assemblage requis à la plage où on combine les palmarès et fous et assemblage requis. Et une des seules chroniqueuses des palmarès et fous, c'est pas mal Justine Renaud. C'est vrai? Je suis la seule? Ben, sinon, c'est David Ferron, mais il est pas même plus du bord assemblage requis. Mais c'est pas une chroniqueuse, ça. C'est en effet pas une chroniqueuse. Bon point. C'est pour ça qu'on t'a ici, c'est parce que t'es là pour apporter de la précision dans les choses. Ben oui, c'est important, là. Certainement pas pour remettre tout le temps à plus tard. Hein? Je remets jamais rien à plus tard. Ah, rien pour tout. Voici Justine Procrastine. Doesn't matter what they have to say to me, or do not care just what they have to say to me. Bum bum bum bum bum ba da dum bum bum bum ba. Hey! J'ai pas procrastiné cette semaine. Je mens. Gros mensonge. J'ai procrastiné à l'os. Je me sens mal. Je me donne envie de vomir tellement que je procrastine. Ah, fais pas ça. En fait, en ce moment, je suis ici puis je devrais faire quelque chose de beaucoup plus important qui est de remettre une révision d'article dans un journal super, super important. Puis je suis en train de ne pas faire ça. Fait que bref, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui m'harcèlent. Ils m'écrivent des emails. Oh, are you gonna finish and do the thing? And, parce qu'ils parlent en anglais. Mais cette semaine, à la place de faire ce que je devrais faire, j'écoutais que c'est bien un groupe que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert très, très, très récemment. Mais seulement un album. Hein. Moi, je suis très. Je découvre un album, puis les autres, j'ai oublié un petit peu, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires à dire au sujet de que c'est bien, qui est un groupe qui s'est formé à Leicester. J'aime bien ça, c'est Leicester, en Angleterre, en 1997. En fait, il s'appelait à l'origine Syracuse. En fait, la ville Syracuse aux États-Unis, c'est okay. Le nom d'une ville. Syracuse, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un jeu de mots avec Sarah. Je sais, probablement. On accuse Sarah. Hein? Oui. Je sais pas. Mais plus tard, ils ont changé leur nom pour Kasabian. D'après Linda Kasabian, qui était une complice de Charles Manson, elle conduisait l'auto de fuite, le getaway driver. Ah, oui. Que, Linda Kasabian, Linda, Darlene Drouin, son vrai nom. On va l'appeler... Dans le gros Lucien! Oui. Bon, en tout cas, Linda Kasabian, qui... son nom, généralement, c'était Linda Darlene Drouin. tout cas. Fait que Linda Drouin. Linda Drouin. Elle a inspiré Cassie Abien et leurs membres de s'appeler Cassie Abien. Mais aussi, Cassie Abien, c'est un nom en arabe qui signifie un tueur ou un boucher. En tout cas, quelqu'un qui tue de patente, là. Que ce soit des animaux ou des humains. Kassab en arabe qui veut dire là, vraiment là, un massacreur, là, un boucher, là, un ça. Puis I-A-N qui est la terminaison, la racine en arabe. Yen England. En tout cas, c'est ça. Kassabian. Ça donne Kassabian. Kassabian England. Juste pour parler de leur nom, là, c'est déjà assez long comme ça, mais c'est tellement un groupe intéressant. J'ai fait super gros de la recherche parce que, en tout cas, il y a plein d'affaires à dire. Tu avais plein d'affaires à remettre à plus tard. C'est ça? Plein d'affaires. Mais là, on va parler de leurs albums qui sont sortis. Il y en a quand même 4 à leur actif, dont le premier qui était un album éponyme sorti en 2004. Suivi par leur deuxième, et non pas leur troisième. Ils ont fait 1, 2, 3 là, dans les règles de l'art. Ils auraient pu faire 1, 3, 6, 12. Freak! Deuxième, Empire, en 2006. Suivi de West Rider Popper Lunatic Asylum, que je ne sais pas en tout ce que ça veut dire, en 2009. Mais c'est cet album-là que j'ai capoté dessus. Et leur dernier, Velociraptor, avec un point d'exclamation. En 2011. Et que c'est bien, ils sont aujourd'hui formés des membres originaux Tom Megan, le chanteur, Sergio Pizzorno, le guitariste, et l'italien, probablement. Il faut toujours un italien dans le band. Le claviériste, qui est aussi Sergio Pizzorno. Bref, lui, il porte 3 chapeaux, guitariste, claviériste et italien. C'est lui aussi qui finance. C'est probablement. Pas une joke de mafia. Ben oui. Finalement, Chris Edwards, le bassiste. Fait que c'est 4 jolis neurones. J'en ai-tu nommé 4? Non, j'en ai nommé 3. Parce que le dernier, le quatrième, c'est Ian Matthews, qui lui s'est seulement ajouté en tant que percussionniste en 2004. Parce qu'avant 2004, il y avait à peu près 12 000 percussionnistes. Je sais pas, là, ils ont eu un petit peu des problèmes. Parce que le groupe a été victime de troubles de rétention de ses membres, et non pas de troubles de rétention d'eau. juste en 2004, le groupe a accueilli 4 différents drummers qui n'ont pas voulu rester en tant que membre officiel du groupe. Je sais pas, peut-être que ça puait dans les loges. Il n'était que de passage. Et encore pire, on aurait gentiment demandé au lead guitariste fondateur Christopher Karlhoff de quitter le groupe au moment d'écrire le deuxième album Empire parce qu'il semblait y avoir un différent de vision entre lui et les autres membres du groupe. En tout cas, grosse affaire. Il est parti pour des raisons personnelles, mais semblait pas s'entendre avec la mentalité artistique du reste du groupe. Fait qu'on lui a dit « fuck off ». Alors, celui-là, il a été remplacé par Jay Miller, le prochain guitariste, qui tout récemment, en plus de ça, c'est pas des farces, a annoncé son départ pour aller jouer avec BDI, le nouveau band de Liam Gallagher, ex-frontman d'Oasis. En tout cas, ils ont bien gros des problèmes. Juste pour dire, là, notre Italien aurait dit sur les réseaux sociaux que « Jay is our bro and the last 6 years have been mega ». Bref, hey, ça parle comme les jeunes. Ça a été méga. Il était écœurant. Il a du swag. C'est ça. Fait qu'il disait que Jay il était vraiment mieux d'aller dans le groupe BDI puis qu'il allait être super bon. Et de son côté, Jay a dit qu'il quittait que c'est bien parce qu'il foutait rien et que BDI semblait un projet plus excitant. Ah. Ça, c'est juste un petit peu leur curriculum vitae, mais en fait, ce que je veux vous faire entendre, c'est de la chanson et pas moi qui parle et qui procrastine. Je procrastine à mettre la chanson. La chanson. Donc, je vous ai dit plus récemment que c'était West Rider, Popper Lunatic Asylum, que j'aimais comme album. On commence à entendre déjà la chanson Take Aim tirée de cet album-là. Et l'album a gagné un prix à Q Magazine et l'album a aussi été nominé en 2009 pour le Mercury Prize. Donc, c'est pas rien. Un album succulent que je vous laisse entendre. Et pensez à Kassabian, non pas à Linda, pensez à Kassabian puis le côté arabe de la chose. Puis vous allez entendre vraiment là, des touches très, très... je trouve ça très arabique, un peu comme musique. Fait que je vous laisse entendre. Là, l'intro est un peu longue, mais tant aussi succulente que la fin, d'ailleurs. Donc, je vous laisse entendre Take Aim, Justine Procrastine. Fait que je vais arrêter de procrastiner ou je vais arrêter de parler. Non, Mathieu, tu parles pas. Nightmares, oh nightmares, come on now. Getting my days all wrong now. Resign from prison and outlaw. Spending a time in the lion's jaw. In the end, you sink or swim. Thank you. C'était Kasabian avec Vlad the Impaler, succulente chanson que je trouve s'écoute très bien en auto ou en tercelle pour ne pas être trop précise. Plaque d'immatriculation, ABCD, FG. C'est pas vrai. Qui vient tout droit de leur album West Rider Pauper Lunatic Asylum. Et j'ai recherché la définition du mot pauper pour vous qui veut dire une très très pauvre personne. Bref, un étudiant à l'UQTR. Oh. Et non, c'est pas vrai. Et sinon, autre fait très, très le fun selon moi. La chanson Fast Fuse a fait partie du film Takers, en tout cas un film sorti en 2010, un peu poche, côté 6 sur IMDb avec des acteurs un petit peu poche comme Chris Brown, Hayden Christensen puis Matt Dillon. Moi je l'aime Hayden Christensen, puis Matt Dillon il était bien bon dans Crash, mais je pense que ces trois acteurs là ensemble faire un film au sujet de des voleurs dont les plans sont tombent à l'eau à cause d'un détective trop zélé, en tout cas ça l'air vraiment mauvais. Oh, t'as vraiment, vraiment fait tes recherches. J'ai vraiment, vraiment fait le résumé du film, du gars qui avait le film de la chanson jouée dans le film. C'est ça, mais j'ai vraiment beaucoup procrastiné. Fait que c'est ça, mais ça m'a fait plaisir de partager ce groupe-là avec vous et j'espère que vous aurez quand même un peu aimé. Moi, je trouve ça super... je trouve ça quasiment hippie dans leur manière de chanter. Je trouve qu'ils ont une manière un peu... pas, c'est tellement pas parfait comme ils chantent. C'est sale un peu. C'est un petit peu sale. C'est sale. J'adore ça. Yes. Des garçons sales. Bah, au contraire pourtant. Et petite fille propre. Petite fille propre. Oui. Ça, c'est plus... ouais, moi. Merci Justine Renaud. Est-ce qu'on te retrouve dans combien de temps est-ce qu'on te retrouve finalement? Ben, la semaine prochaine. Au ben, semaine? Hey, attends, la semaine prochaine, j'ai dit quelque chose? Quelle date qu'on est la semaine prochaine? On va être le 16, je pense. On va être le 16. Non, je devrais être la semaine prochaine. Oui, le 16. On va être le 16. Il y aura du Canada. Oui, alors... J'ai bien bien. Oui, je vais être là le 16, mais dans deux semaines, je ne serai pas là parce que je serai à Toronto. Toronto? Toronto. Wow! Pour sabotager les Leafs. Non, ça n'a aucun rapport. Sabotager. Sabotager. C'est comme un mélange entre un potager et un sabotage. M'as-tu sabotagé? C'est quand tu sabotes avec une fourche. J'ai un congrès. Hey, un peu de politesse. J'ai un congrès. T'as un congrès? Ouais. Ben, amuse-toi à ton en congrès. En neurosciences. Man. Man. Et donc, tu vas être aux semaines tout l'été, sauf dans deux semaines. C'est ouais. Cool, ça. J'aime ça. Parfait. C'est ça. Sauf quand j'ai des congrès de patentes de même, là, je serais ça pas... arrive. Ça arrive. Hein? Pierre Bruno, il manque des émissions aussi. Ben, allez, Pierre Bruno. Y a-tu déjà manqué une émission? Je sais pas. Il mange un chouette de wheat à chaque matin, puis c'est bon, en tout cas. Bon. C'est assez régulier. Là. Justine Renaud et Justine Poigrastine à Assemblage requis à la plage. On retourne en musique. Une autre pièce que Jean-Philippe nous choisit comme ça, live de même. On va se préparer les semaines prochaines les pièces à l'avance. On va pas y aller de même n'importe comment toutes les fois. Une nouvelle entrée, peut-être? Pas long. Ah oui, il y a l'être pis. Oh yeah! Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que t'entends? Petit singe robot. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que t'entends? La chanson commence dans quelques secondes. Uh-huh. Petit singe robot avec les petits bouts de métal au milieu là, qui ne foutent pas partout, mais c'est pas grave. Mm-hmm. Tu me diras ce que t'en penses du bout métal, toi. Parfait. Ouais. Plus tard, la carte postale sonore de Simon Fitzbé. Reste là. Métal! C'est ça mon commentaire. C'était pas nécessaire, hein? Le métal de là. Je sais pas, elle est tellement bonne la chanson oui. que. J'ai comme pas compris la nécessité de la chose. Eh, mais que voulez-vous? Au retour de la carte postale de Simon Fitzbay ainsi que la chronique qu'on verra laquelle que je vais faire par rapport au temps qui nous reste. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Assez fou, les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Toujours à Assemblage Requis à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Justine Renaud, toujours avec nous. Là. Mais elle s'en va bientôt, je pense. Elle porte ses lunettes de soleil déjà, comme tout bon vacancier le ferait à la plage. I wear my sunglasses inside. OK, je pensais peut-être inside. J'étais persuadé qu'elle était en train d'imiter un Jamaïcain, puis je trouvais ça vraiment raciste. Wow. Maintenant, on introduit quelque chose de nouveau à l'émission Assemblage Requis à la plage. Vous savez, on combine les palmarès assez fous à Assemblage Requis, les chroniqueurs des deux émissions. Simon Fitzbay est un habitué des deux émissions. On l'a souvent reçu au palmarès. Il était tout le temps à Assemblage. À chaque été, à Assemblage Requis, peu importe la formule, il était là. Mais cette année, il a décidé de prendre une petite pause. Mais c'est une fausse petite pause. Ouais. Donc, on va lui permettre de parler d'outre-mer, peut-être. Ouais. Voici la carte postale sonore de Simon Fitzbay. Et dans le rôle de Simon Fitzbay aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Bonjour, messieurs. Oh, c'est pas bien? Il imite Simon, c'est très j'essaie, bien. J'essaie. Donc, bonjour, voix de Simon. Salut. Ça va? Oui, ça va, toi? Oui, on sait pas, t'es en vacances où, t'es... Ben, écoute, je vais y aller d'emblée avec la lettre. OK, lis la lettre. Postale, oui, parce que c'est ça, on a un petit facteur qui est venu nous passer. Ils sont de moins en moins là, ils sont comme là de 10h30 à 11h, d'habitude, à leur bureau. C'est ça. Donc, écoute, j'ai toute une carte postale à vous lire, fait que ça va comme suit. On t'écoute bien. Salut les amis, je vous écris d'un endroit paradisiaque et ensoleillé où j'ai choisi de passer mes jeudis après-midi entre 14h et 18h. J'ai choisi de prendre un congé d'Assemblage Requis cet été pour me reposer des blagues de Mathieu, des cheveux de Jean-Philippe et des beaux yeux de la belle Stéphanie. Oh. Je suis loin, je suis bien et j'apprends l'anglais. J'ai décidé de vous partager mon bonheur paradisiaque sous forme d'une carte postale musicale qui va vous rendre mon absence et l'été plus agréable. Tout d'abord, je vous propose, donc là on y va avec la suite. La suite. Paragraphe 3. Paragraphe 3. Tout d'abord, je vous propose la pièce Never Wanted Your Love de She and Him. Le duo formé de Zoé Deschanel et Matt Ward. D'ailleurs, Matt, qu'on a eu de la misère à savoir si c'était Matt ou M. Ben, partout, Ward. Ils disent M. Ward, mais là, on se demandait, il me semble que Mike Ward chante. Il doit avoir une raison pourquoi il veut s'appeler M. Peut-être qu'il est fan de signer M. Oh oui! Mais là, attends, je vais pas gâcher la chronique. Non, c'est un peu ça déjà. Donc, le duo formé de Zoé Deschanel et Matt Ward ont lancé leur nouvel album, volume 3, plus tôt cette semaine. Ça sera suivi de la pièce de Diane Young, par la formation Vampire Weekend, tirée de l'excellent album Modern Vampire of the City, qui sortira la semaine prochaine, soit le 14 mai. Ensuite, je vous invite à vous déplacer sur Big Sur, l'espace d'une minute avec l'Ontarien Shotgun Jimmy, qui lance son album Everything quelque part au printemps, on n'a pas la date. Mm-hmm. Finalement, je termine ma carte postale avec les beats des Allemands Accident Astronauts de la pièce Break My Heart in Two. Allez, je vous laisse. Ciao les copains. Simon. Et il y a un PS. Si vous n'aviez pas compris, je ne sais pas s'il faut que je le lise. Oui, tu peux dire, parce que moi-même, je ne l'ai pas compris, mais je ne suis pas un grand connaisseur de films. Oui, si vous n'aviez pas compris, le « Je suis loin, je suis bien et j'apprends l'anglais », c'était en référence aux Invincibles. Ah, tu vois, voilà. ça m'a passé par-dessus. Ouais. On profite de tes vacances, Simon. Oui, et on écoute ta carte postale musicale. Anymore, making my bed so I can lie there forever. I don't know what. Try to figure it out. L'excellente carte postale musicale de Simon Fitzbé. Est-ce que tu nous représentes les pièces qu'il a choisies? Si tu veux. Alors, tout d'abord, on a eu Never Wanted Your Love de She and Him. Par la suite, c'était Dian Young, formé de la formation, oui, hein, soyons redondants. Vampire Weekend. Et puis, après ça, l'avant-dernière, Big Sur. Je sais pas si on prononce ça Big Sur. Big Sur. Ouais, Sure. Puis, donc, c'était de l'Ontarien, Shotgun Jimmy. Et pour finir, on a eu les Allemands, Ancient Astronauts. Yeah. Break My Heart in Two. Superbe, on aime ça. Très bon choix de la part de Simon, comme toujours. Il est toujours un homme de confiance. Et même s'il n'est pas présent avec nous en personne, il va nous laisser comme ça des cartes postales une fois de temps en temps tout l'été. Ben oui, c'est une belle attention. On aime ça, on collectionne les timbres. Oui. Puis, mais là, on a vu qu'il était un peu plus paresseux cette semaine. Il a collé des scènes, puis il a dit oh, excuse-moi pour le dérangement. J'avais ben pas oui. le temps d'aller acheter un timbre. Est-ce que tu as envie tantôt qu'on parle des gens les plus paresseux au monde? Oui. On en parlera avec toi dans ton petit segment qui porte pas de nom. Mais on trouvera un nom aléatoire. On va avoir un petit segment à toi, ce sera le cute, le fun. Ah, écoute, on va voir quelque chose. On va avoir du fun. Oui, je vais arrêter de prendre toute la place. Donc, Simon Fitzbé, on le retrouve évidemment tous les vendredis matin à 10h pour son émission Album Classique. Oui, il nous fait écouter un vinyle d'un côté et de l'autre pendant son heure les vendredis matin. Ensuite, à 11h, c'est les éphémérides du rock dans l'émission Rock Classique avec Alain Lefebvre. Et finalement, on a les lundis soirs, l'émission Un Genre de Bleu. C'est de 18h à 20h. Il joue du jazz dans cette émission-là. Je l'ai écouté cette semaine et pour vrai, c'était bon, hein? Ça met vraiment une ambiance du tonnerre. Moi, j'étais en auto, là, j'ai écouté ça, les fenêtres ouvertes. Ouais. C'était quelque chose. C'est génial. Un Genre de Bleu, lundi 18h et ça rejoue tout ça les mercredis à 15h. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète. Là, elle est garnie de Simon Fitzbé et saupoudrée de toi et moi. C'est comme une recette, passe dans le blender. Voilà. Avec un petit peu de la cerise. Je vais dire, tu sais, des fois quand t'as des coquilles U2 dans ton mélange, ça c'est David Ferron. Mais sans blague, on l'adore. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Ben les affaires. Donc voilà pour la chronique carte postale musicale. Et on continue, on va rester dans le même moule un peu. T'as lu la carte postale de Simon tout à l'heure, c'est toi qui l'as lu. Et là, j'espère que ça va marcher parce que je suis pas tout à fait prêt pour le faire, mais je trouve que c'est le moment pour le faire jouer, donc j'espère que ça va fonctionner. La semaine passée, on a enregistré, toi et moi, les introductions pour l'émission avec Aucun outil requis. Ah oui! Tu te souviens? Aucun outil requis qui a lieu les mercredis à 13h. C'est l'émission qui regroupe des vieilles chroniques d'assemblage requis parce qu'il y a pas assez de nous deux. Ouais. Donc on a pris des vieilles chroniques qui n'auront pas lu cet été. On a mis ça en montage d'une heure. Et j'ai quelques bloopers, donc si tout va bien. Ah oui, t'es sérieux? Reculer en arrière pour entendre les bloopers du montage d'Aucun outil requis. Chaîné. Mm-hmm. 1, 2, test, test. Test! Bienvenue! Hey, salut! Bienvenue à Aucun outil requis. Je vais t'en faire une coupe, tu pourras choisir. Capitaine! Cap à les Trois-Rivières! Hola! Bienvenido à Excusez. Je trouve ça drôle. J'ai essayé de gesticuler, ça a l'air. Ouais, ça sert. Dans cet épisode, j'y vais à frette. Mais je l'ai même pas lu. Dans cet épisode, on se concentre sur Michel Lebrun et ses chroniques juridiques et judiciaires panier à salade. Au menu de cette salade du chef Lebrun. Ouais, fallait aller. J'avais les yeux pliés. Ouais, je suis en train de loucher. Je comprends, j'ai faim. Un très gros merci à chacun. 89.1, merci. C'est le jeudi 14h. À... Non. J'ai des trémolos. Fait que c'était pas bon, c'est ça? Ah, c'est correct, j'aime ça. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Yes. Voilà. Youi! Oh non, ça donne du matériel pour être contre moi. Ça donne du matériel pour faire des bloopers, c'est pas ça que ça donne. Écoute, c'est excellent, j'ai les yeux pleins d'eau, je suis mort de rire. C'est un très bon montage. Merci, c'était les meilleurs moments du montage et de l'enregistrement d'Aucun outil requis. Et ma vengeance sera terrible, Mathieu Plante. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire avec ça parce que je sais que t'es capable de faire des montages. J'ai entendu la dernière de Melon Miel sur Bruxelles, donc t'es pas un nouveau né dans le domaine du montage si c'est toi qui les as fait. Mm-hmm. Ah, ben c'est pas des montages. Quand? La dernière de Melon Miel sur Bruxelles, non, c'est faux, c'est du faux. Tout ça était de la frime. Ben non. Je te jure que tout ça a été de la frime. Vous avez refait ça live, les extraits? Tout est du live. Ben non. Je te jure. Ben non! Hey, je te jure. Hey, OK, mais là, il va falloir que je retourne écouter cette émission-là. Il va falloir la rendre disponible pour que les... Parce que j'étais sûr que c'est des... Ben voyons. Écoute, t'es pas le... Non, t'es pas le premier. Pour ceux qui savent pas, en fait, avant, ben depuis 3 ans, en oui, fait, remettons les gens en contexte. J'animais Melon Miel et Chaud de Bruxelles avec le très distingué Alexandre Laramie-Zwicky. Et puis, notre dernière émission est survenue de mémoire en mars. Mars, quelque ouais. part en mars. Et puis, on a décidé de faire un meilleur moment, mais comme ça a été un peu... assez rapide là, comme décision de malheureusement qu'il fallait arrêter là, ben t'as émission. Eu le poste de directeur général et on t'a dit c'est fini cette émission là ben en fait c'est que ouais il fallait que j'ai du travail à faire à la place donc ce qui est tout à fait compréhensible oui. quand même et puis donc voilà en delà d'une semaine avec un délai d'une semaine en fait on a arrêté l'émission et puis comme dernière on a décidé de faire un meilleur moment mais on n'avait pas le temps de faire du montage et tout donc on s'est souvenu pendant les intermèdes musicaux on s'est souvenu de ce qu'on parlait et puis grâce à une petite clochette que j'avais trouvée je sais pas où, je pense c'est sur YouTube c'était génial comme clochette là. Et puis sur YouTube on a trouvé ça vraiment facilement et puis on fait comme si on revenait en arrière avec du montage donc tout ça était de la frime. Vous avez berné tout le monde parce que même Simon Fédibé me texte en ce moment il était sûr que c'était un montage. Stéphanie aussi, j'étais convaincu. Ouais. Même moi je l'ai écouté puis je pensais qu'on avait fait un montage. C'était très réussi. Voilà. Je vais me retaper l'émission. Ah ben il faut et écoutez-les. Ah ben on se fait une soirée. Écoute Melon Miel et amène ton fromage. On met ça sur le web. Question de rendre ça disponible pour tout le monde. Voilà. Merci Jean-Philippe et merci évidemment à Simon qui était l'origine de pourquoi qu'on a parlé de ça. Ben oui. Ben oui. Puis merci pour ta carte postale. Hein. Pendant que nous on est au travail. Hein. C'est ça. En tout cas, il y en a qui sont en vacances. Bravo. Uh-huh. Mais nous, on est à la plage. Hein. C'est pas parce qu'on a un studio monté de toutes pièces sur une plage qu'on ne peut pas avoir du plaisir, même si on travaille. Donc, écoutez, aucun outil requis. C'est présenté par Assemblage requis, évidemment, tous les mercredis à 13h avec les meilleures chroniques de Maxime Bilodeau, Sébastien Dulieu, de Marie-Pierre Laforge-Bourret, Michel Lebrun. Et qui d'autre? Plein d'autres gens comme ça. Des gens qui ont fait des chroniques. Maxime Tanguay, qui ont fait des chroniques intemporelles, donc qui sont rediffusables pendant l'été. On rediffuse ça les mercredis 13h et ça repasse les samedis à 10h. Par contre, et c'est le moment parfait pour le dire, en fin de semaine, samedi, pour les gens qui veulent le savoir, il y a une panne de courant prévue à l'université à l'UQTR. Donc, il n'y aura pas de C'est fou et rien du tout à l'UQTR, malheureusement, entre 7h et environ 17h. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Donc, par contre, les rediffusions vont avoir lieu juste en soirée et dimanche. Donc, allez voir sur C'est fou sur la page Facebook. On va poster un petit message pour vous dire où seront vos rediffusions préférées, dont Assemblage requis présente aucun tu requis et Assemblage requis à la plage. Donc, voilà, c'est tout, c'est dit. Maintenant, on prend une petite pause musicale parce qu'on n'en fait pas même de ces temps-ci, à part pour dans les chroniques. Là, on a un palmarès à jouer, là, le palmarès de la période du 29 avril au 12 mai 2013. Jean-Philippe, tu vas nous choisir au hasard une autre pièce à se mettre sous la table. Au hasard, mais écoute, d'habitude, je vais avec un peu ce qui me tente. Là, j'ai le goût de gambler. Fait que, regarde ça, je me fais shaker le marqueur ici, au-dessus de la feuille. Shake-toi le bâton. Et où est-ce que ça va tomber? Ah, donc on écoute Le Couleur avec Vacances de 87. Ah, qu'est-ce que ça te tente? Qu'est-ce que ça te tente? Hein? C'est la 11e. Oui. Dans le palmarès. Ça fait bien parce qu'eux aussi sont en vacances, un peu comme Simon, un peu comme nous. On va s'approcher tranquillement de différentes pièces de notre resort assez fou. Peut-être qu'un jour, on ira visiter le gym. Je sais qu'on a plein de places potentielles. Là. C'est la première émission, donc on se concentre pas mal sur la plage et sur... Puis il fait beau, tu sais, avec la semaine qu'on a eue. Tout à fait. Donc, pour l'instant, on s'en tient à ça et on s'accommodera, on s'inclura sur plusieurs de ces territoires magnifiques du resort de C'est fou pendant qu'on écoute Le Couleur. Oui, monsieur. Vacances de 87. Au 89 FM. Deux pinacoladas! Ha! Un long back! Tournez pour tout le monde! Wouhou! We'll be right back. Vacances de 87, c'était Le Couleur. Le Couleur, ne pas confondre avec La Couleur. Ne pas confondre avec le groupe là, La Couleur, là, tu sais. Ben oui. Ou encore La Couleur. La couleur, là. Brun. La couleur. Brun. La couleur brun, la couleur. Ben, toutes les couleurs en même temps, c'est noir qu'on a appris. Oui, on a appris ça tantôt. Ou c'est-tu blanc? Ah, ben, c'est. Tout mêlé, le prisme. L'affaire que mes grands-parents avaient sur le bord de la fenêtre, ils faisaient un arc-en-ciel sur le plancher. Là, je suis en train de mettre mes bras comme une camisole de force, puis je suis non, le prisme! Le prisme! C'est parce que t'as vraiment dit le prisme comme si c'était le démon. Oui. Le X avec mes doigts. Ouais. Et l'ail dans mon cou. Oui. Et l'odeur de mes pieds. Et le pieu dans tes fesses. Ah! Oh, come on! Les blagues de bâton dans le pèteux! Non, mais c'est pas dans le pèteux, c'est dans la fesse. OK, dans le gras de la fesse. C'est ça. Près de l'arrêt de l'arrêt. Oui. Parfait. Et pas dedans. Non. Donc, on prend une petite pause. Je pense qu'on mérite. Ouais, on va aller se prendre un petit piña colada martini caliente. Oui, service, s'il vous plaît. Service. Serveuse. Où est-elle? On devrait avoir une serveuse en tout temps. Peut-être que Stéphanie, on pourrait lui donner un petit tajou, un petit on the sideline, serveuse. Elle pourrait aller nous chercher des drinks à ça. Puis on pourrait payer comme au Club Med dans le temps avec des billes, là. Les tokens. Attends, je vais trouver une photo, on va mettre ça sur Assemblage Rick. Vas-y, on met tout ça sur le Facebook parce que c'est là que ça se passe. Au retour, dans la troisième, c'est bien ça? Quatrième. Je pense que c'est la quatrième. Il y en a pas mal là-dedans. Donc, il va y avoir Télévision tantôt et plein d'autres choses. Donc, hey, je pensais que ça allait être fini, ça. Moi, je suis heureux. Aussi, mardi, j'y ai pensé. Pour vrai? Oui, mardi, j'étais comme, je me demande c'est quoi qui aurait dit Mathieu dans ses chroniques Télévision. Mais tu vas savoir tantôt, puis il y a vraiment des bonnes nouvelles là-dedans. Donc, reste là. C'est la dernière heure d'Assemblage Requis à la plage. Jean-Philippe Charbonneau est mon co-animateur. Mathieu Plante est mon maître. Oui, j'ai Mathieu Plante dans le collimateur. Ouais. Et le temps passe vite, hein? Hey, tellement. Non, mais on a déjà, quoi, 3 heures de fait. On commence à 14h les jeudis. En passant, pour ceux qui veulent nous suivre tout l'été dans nos mésaventures à la plage. Mais ça s'écoute bien sur une terrasse, hein? Pour vrai, là, ça va être le fun pas mal. Parce que les chroniqueurs sont le fun, la musique est bonne, les co-animateurs sont corrects, hein? Puis on est en chess. Fait que la formule gagnante est pas mal, là. Ouais. Donc, si tu me permets, comme je te permets. Alors qu'on est comme ça un petit peu, je trouve qu'on est loin encore un petit peu de l'eau. Je pense qu'on pourrait se rapprocher. Oui. Pendant qu'on choisit une autre pièce du palmarès à entendre avant de faire la chronique Télévision. Et Jean-Philippe est la personne attitrée au choix des pièces de palmarès en ce moment. Oui, monsieur. J'ai envie d'écouter The Vaccines. Oh, bon choix. Teenage Icon. Frankie Avalon est en vedette dans cette chanson-là de The Vaccines. Ouais. On s'en va entendre ça. C'est numéro 3. Palmarès anglophone. Oui, ben faut rappeler aux gens que les palmarès durent du 29 avril au 12 mai cette fois-ci. Tout l'été, ça va être aux 2 semaines. Donc vraiment, on va avoir un nouveau palmarès à partir de la semaine prochaine. Et on va pouvoir basculer de franco à anglo comme bon nous semble, de semaine en semaine. Alors que là, on fait juste gratter un petit peu... En surface, le palmarès de la semaine passée. Peut-être qu'on se lancera un petit peu dans les pièces qu'on n'a pas entendues la semaine passée, le genre de milieu de palmarès tout à l'heure. D'accord. Et puis après ça, Télévision. S'en vient. Et c'est là. L'assemblage requis à la part. Bloup, bloup, bloup, bloup. Je vais faire du tuba, Mathieu. Tu surveilles toutes mes affaires. I know Frankie Avalon, I know Bitey Zero. les Jaycons! The Vaccines! Yeah! Ça, c'est la musique de plage, pour vrai. Ça fait film de plage. C'est des super summer beach party. Oh, ouais. You know? Jusqu'aux petites heures, là. Ouais. Avec un gros feu de camp. On aurait dû appeler l'émission Les Panneries 6 fois Assemblage Rocky Super Summer Show. Ça aurait été tellement parfait comme titre. Ça aurait été beau comme un film. Il est pas trop tard. Pas trop tard pour tout refaire. On en refait une autre. On refait? On en fait une autre de 5 heures. On s'essaye live comme ça, on repart les veilles, puis on recommence l'émission. Veuillez au studio de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les Palmarès 6 fois Assemblage Rocky Super Summer Show. Avec Mathieu Plante. Et Jean-Philippe Chabot. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Les plugins. C'est bien réussi, je trouve. Voilà, merci. Maintenant, tiens, cet été, on est en vacances. Souvent, les gens vont peut-être moins travailler. Il y en a qui ont des cours, il y en a qui vont travailler aussi super gros, mais en partie, il y a des gens qui sont en vacances et on a plus de temps pour regarder de la télévision, c'est clair, l'été. Oh, hein? Oh, je sais que tu t'en vas. Ben ouais, mais on pouvait pas sauter par-dessus. Voici Television, Television. Television, Television qui ne prend pas congé cet été, étonnamment. Ben, faut pas. Ben non, c'est pas toutes les semaines. Mais ben là, on est le jeudi. C'est différent. C'est différent. D'habitude, on faisait ça le mardi matin. Voilà. Donc, Television, Television qui est évidemment un condensé des nouvelles télévisuelles du Québec, du Canada, des États-Unis. On essaie de rester quand même dans ce que les gens pourraient connaître ou pourraient vouloir connaître. Et on commence avec une émission que peut-être que tu suis. Je te demande, est-ce que tu écoutes Saturday Night Live? Non. Je suis pas très talk show. Pas tellement. Ben, c'est une émission genre de sketch, musicaux. Ben, souvent, ils vont repasser les bons moments. Là, tu vas voir ça passer un peu sur Facebook, ouais. YouTube. Tout à fait, ça se partage. C'est très viral. Ben, peut-être que la nouvelle version de Saturday Night Live Québec va pouvoir partager aussi quelques clips seulement en 2 épisodes. Par contre, donc, le Québec aura droit cet hiver à sa propre version de SNL, Saturday Night Live, avec la diffusion sur les ondes de Télé-Québec et de 2 émissions spéciales basées sur le plus célèbre rendez-vous humoristique américain. Les humoristes Louis-José Hood et Stéphane Rousseau vont agir comme maître de cérémonie. Vous savez qu'SNL, c'est animé par un humoriste ou un acteur ou un chanteur différent à chaque semaine. C'est le concept de l'émission qui s'intègre à l'équipe. Donc, les 2 premiers épisodes de SNL Québec, c'est le titre qu'on a choisi, et non pas quelque chose comme « C'est samedi soir » ou « Samedi soir en direct » ou quelque chose qui aurait été beau comme ça. Non, on a choisi SNL Québec comme des maudits losers de copieurs d'Américains. Ouais. Tant qu'à faire, tant qu'à copier les Américains, tu prends le nom, tu mets Québec après. T'sais, c'est comme le banquier Québec, Deal on the Real Canada, Big Brother Canada. Name it. Bon. Donc, il va être présenté les samedis 8 février et 22 mars à 21h. Donc, au moins, on garde la case horaire du samedi soir. Par contre, on est beaucoup plus tôt en soirée. SNL aux États-Unis est à 23h30 et plus. Donc, 21h, c'est très, très tôt. Mais au Québec, on est des très... couche-tôt. On est couche-tôt. Les temps chauds de fin de soirée sont à 21h, sérieusement, au Québec. Je veux dire, sérieusement. Oui. C'est à 23h35 aux États-Unis, les temps chauds. Oui, mais là, Québec n'est pas la ville qui ne dort jamais. Voilà, tout à fait bon point. Donc, les 2 épisodes seront coproduits par les boîtes Zone 3 et Fair Play. Cette dernière a acquis en décembre 2011 les droits du concept développé par le producteur canadien Lorne Michaels. La version québécoise pourra donc reprendre tous les éléments qui ont fait le succès de son modèle américain, des sketchs aux prestations musicales en passant par les invités surprises, donc souvent des vedettes qui se pointent en plein milieu d'émission. La productrice au contenu pour les 2 épisodes, ce projet est un rêve devenu réalité. C'est rempli de citations que je vous épargne. Tout comme l'original, SNL Québec servira également de rampe de lancement pour les jeunes auteurs et comédiens grâce à une étroite collaboration avec l'École nationale de l'humour. C'est ce qui est le fun. Aux États-Unis, on va sonder les Second City, les Groundlings, toutes les petites troupes d'humour. Savoir c'est quoi qui pogne. Exactement. Et trouver là-dedans des petites perles précieuses. Tout comme on pourrait faire dans les ligues d'improvisation comme la Luître, la Lime ou la LNI. Ici, on va aller à l'École nationale de l'humour. D'après quelqu'un, les 2 émissions, je me fous vraiment de qui a dit la citation. Les 2 émissions spéciales de SNL Québec qui auront une durée de 90 minutes, pareil comme aux États-Unis, vont être enregistrées devant public et ça va servir de banc d'essai pour faire peut-être une saison de 13 épisodes plus tard. Il y a plein de possibilités, ça pourrait prendre la forme d'une saison, d'une vraie série. SNL Québec n'éliminera pas des émissions chansons, tu sais, comme Belle et Bum. On nous dit Belle et Bum n'est pas en danger parce qu'il va y avoir de la musique dans cette émission-là. Les gens ont peur, tu sais. Il va y avoir 2 chansons dans la série. Touche pas à mon programme. Mon créneau touche de musique. Pas à mon programme. Franchement, mais de toute façon, SNL aux États-Unis, ils prennent tout le temps les bands qui sont les plus en vogue en ce moment. Comme là, la semaine passée, t'avais Of Monsters and Men. Ouais, là, l'autre semaine, c'est gros, ça pogne beaucoup. L'autre fois, tu vas avoir un Justin Bieber ou un Rihanna. Donc peut-être qu'au Québec, l'invité musical, ça va être pas le plus chiant, on sait pas. Je pense pas que Belle et Bum soit en danger pour la relève musicale. Mais bon, on verra. Ça fait 38 ans que ça existe aux États-Unis. Ils ont remporté 36 prix Emmy. On a hâte de voir ce que ça va donner au Québec. Mais avec Louis-José Hood, ça va être bon, c'est sûr. Stéphane Rousseau, je le déteste en tant qu'humoriste. sérieux, j'aime vraiment pas ça. Le fait que ce soit à Télé-Québec, ça donne plus de chances que si ça avait été à TVA. Mettons. Donc, mettons que la barre est haute, mais ça pourrait être bon. On reste au Québec et une autre nouvelle qui a fait le tour quand même. C'est pas, là, je sais que j'explore des nouvelles que vous avez peut-être déjà entendues, au moins en bref, là, mais Guillaume Lemaitre-Vierge et Dave Morissette vont être les animateurs de Fort Boyard. Mais toi, ça, je savais pas. Je savais, je savais que ça revenait, mais je savais pas que c'était eux qui animaient. Le fameux Dave Morissette, oui. Ses bonnes annonces de l'ameublement tingué. Ah, il est tellement bon animateur, hein? Pareil. Est-ce que c'était nécessaire de prendre un gars de sport? Fort Boyard, même. Hey, pense-y. Du grand sport. Guillaume Lemaitre-Vierge, donc, et Dave Morissette vont animer la nouvelle mouture de Fort Boyard qui devrait prendre l'antenne à l'hiver prochain à TVA. Et les deux animateurs auront le mandat de motiver les 24 participants, soit 12 personnalités artistiques et 12 personnes issues du public qui devront relever les défis du célèbre Fort. Pour Guillaume, il s'agira d'une deuxième collaboration à TVA. Il va animer le nouveau quiz Faites-moi confiance cet automne. Ça a l'air bon, cette émission-là, mais bon. Quant à l'ancien joueur du Canadien, Dave Morissette, Il est déjà habitué du groupe TVA parce qu'il anime le match à TVA Sport. Blablabla. Le tournage devrait commencer à la fin du mois de juin au Fort, situé au large de La Rochelle en France. On se rappelle que ça a été diffusé à TVA de 93 à 2001 et que le Parfourat n'est pas de retour, donc outrage. Un camp d'entraînement va avoir lieu à la fin du mois de mai. J'imagine que s'ils font comme avec La Voix et tout, ils vont faire des genres de previews et des... Le camp d'entraînement Fort Boyard. Ah oui. Et l'après Fort Boyard. Et le pendant Fort Boyard. Et le magazine Fort Boyard. À la quotidienne Fort Boyard. Ouais. Ils sont rendus là, je pense, à TVR. Mais bref, ça a l'air le fun. Je pense que je vais sûrement l'essayer, l'écouter. Musique Plus a décidé de ne pas diffuser le nouveau clip choc du groupe français Indochine en raison de ses images violentes. Le clip de College Boy, réalisé par Xavier Dolan, a déclenché une vive polémique en France où le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la CSA, envisage son éventuelle interdiction au moins de 16 ans. Si le débat a fait beaucoup moins de vagues au Québec, la chaîne Musique Plus a d'ores et déjà tranché. Nous ne diffuserons pas ce clip, affirmé la directrice générale des communications et du marketing. Xavier Dolan a dénoncé jeudi ce débat chimérique et a expliqué qu'en choisissant de telles images violentes, Indochine et lui avaient voulu envoyer aux jeunes une illustration logique et concrète de la violence dont ils sont victimes, acteurs ou observateurs. Le clip est en noir et blanc et montre un jeune adolescent se faire crucifier puis exécuter par ses camarades en raison de son homosexualité. Mais bon. J'avoue que le public cible de Musique Plus, ils sont pas prêts pour ça. C'est 12 ans et moins, pas rendu là. C'est parfait pour écouter Jersey Shore, puis le monde qui fourre, puis qui baise, puis qui... c'est pas mal la même chose. Ouais, ben montre-moi pas quelque chose qui fait réfléchir. Non. Jamais. Il faut que j'éteigne mon cerveau quand j'écoute Musique Plus, c'est normal. Ah, ça c'est triste. Nouvelle que je n'ai pas vu venir. Peut-être que vous l'avez vu venir si vous êtes un savant connaisseur d'émissions de jeunesse. Tactique ne reviendra pas. L'équipe du téléroman Jeunesse Tactique a appris que l'émission s'arrêtera en décembre après 6 saisons à Télé-Québec. Ça rappelle énormément le processus que Ramdam a eu lieu. Eux aussi avaient une saison écourtée à l'automne et avaient terminé en décembre. Donc je crois que c'est la formule que Télé-Québec a choisie. Le diffuseur a jugé que les acteurs commençaient à vieillir. C'était la même raison que pour Ramdam. Et ils ont préféré boucler leurs histoires avant qu'ils entrent dans leur vie adulte. Exactement la même chose. L'intrigue de Tactique, qui est diffusée du lundi au vendredi à 18h30, même cas horaire aussi que Ramdam en passant, s'articulait autour d'une passion commune de jeunes du secondaire pour le soccer. Zone 3 planche actuellement sur une nouvelle quotidienne jeunesse. Et là, écoute bien le nom. On est en 2013. Hein? Le nom est Subito Texto. Subito Texto. Est-ce que c'est le pire titre qu'on aurait pu trouver? Arrête donc, Manolo. Ah, come on. Persécution. Aïe, aïe. Je déteste. Subito Texto. C'est n'importe quoi. On y suivra l'entrée au secondaire de 4 élèves qui voudront rafraîchir le journal étudiant. Ça, tu vois, ça pourrait être cool comme concept. Pour vrai, dans un journal étudiant, je sais pas s'il va avoir la radio, tu sais, un petit peu de radio enfer là-dedans, ça pourrait être vraiment bon. Le titre évoque les nouvelles technologies au centre. Ah, pour vrai, merci la presse de me dire ce que ça veut dire, Subito Texto. La productrice Diane England, qui est la, je crois, mère de Ian England, n'est-ce pas? Oui. Fais pas semblant. Elle est actuellement à compléter la distribution de ce téléroman co-écrit par Martin Doyon, qui a travaillé pour Une Grenade avec ça, Toc Toc Toc et Ramdam, et réalisé par Stéphane Joly, qui a travaillé sur Watatata, Ramdam, Kif Kif et Tactique. Tout, lui, là, il y a toutes les émissions avec les onomatopées. Watatata, Ramdam, Kif Kif, Tactique. Toutes les sons. Toc Toc Toc. Toc Toc Toc. C'est beau. On dirait des émissions pour perroquets, finalement. Finalement. C'est coloré. C'est coloré. Oui. Ah, hey, toi, t'as la plume pour écrire des beaux scripts. Hein? Oui. Oui, oui. Continuons avec la nouvelle. OK. J'essaie d'aborder des... Est-ce que je vais prendre comme 12 phrases pour commencer cette phrase-là? Ouais, je sais pas. T'es bien parti. Bien parti pour ça. C'est une nouvelle qui a fait le tour en ce moment. J'essaie de prendre des nouvelles que vous avez pas nécessairement entendues. Ici, c'est à la CBC que vous avez certainement vu parcourir les médias sociaux. Une offre d'emploi qui s'adresse à toutes les races sauf caucasiennes. Est-ce que t'as entendu parler? Non. Tant mieux, je t'en parle. CBC a affirmé que les conditions pour l'offre d'emploi pour une émission pour enfants s'adressant à toutes les races sauf les Blancs constituaient une erreur humaine. Le diffuseur public a retiré ses conditions d'emploi à la suite d'un tollé dans l'opinion publique. Je cite porte-parole de la CBC. CBC a fait parvenir une lettre à nos partenaires qui cite clairement nos lignes directrices en faveur de pratiques d'audition justes et ouvertes. Malheureusement, dans ce cas particulier, une erreur a été faite par l'agence de distribution. Parce que le but de la chose, c'est que quand tu cherches quelqu'un pour un rôle, tu peux chercher quelqu'un d'asiatique pour un rôle qui a raison d'être asiatique parce que ça va être dans son éducation. C'est dans le script. Non, mais tu sais, ça peut être parce que tu veux apporter quelque chose. Une personne noire, bon, ça peut être, bon, il va être victime de racisme ou des choses comme ça. Là, si tu cherches quelqu'un qui n'est pas blanc, c'est normal dans un casting de chercher quelque chose de précis. C'est normal, OK? Mais t'es pas supposé le dire. Ouais. Tu sais, il faut que t'envoies l'offre à tout le monde, puis tu choisiras quelqu'un qui s'adonne à être asiatique. Mm-hmm. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bref, CBC l'a pas fait et ça a créé une grosse controverse. Le député néo-démocrate Andrew Cash, qui a déjà été rémunéré par la CBC pour avoir composé le thème d'une émission de télé, a qualifié la demande d'audition d'inacceptable. La description d'emploi par l'agence de distribution est totalement inacceptable. L'entreprise a depuis retiré l'affichage et présenté ses excuses, qui était la bonne chose à faire, a-t-il dit. Mais c'est ça, je continue de penser que ça va continuer. C'est normal dans un casting de choisir quelque chose ou quelqu'un ou un type de personne. Ça pourrait être, tu pourrais chercher une personne qui est... Un nain pour Fort-Boyard. Oui, tout à fait, avec trois doigts dans les ans. Ouais. Un cadre, un handicapé, quelque chose en chaise roulante. Tu peux chercher ça, mais bon, ça a été mal fait dans ce cas-ci. Une autre controverse en ce moment, c'est une sitcom gay qui fait un tabac sur YouTube. Oui, signe que le tabou s'estompe. Le Vietnam découvre sa première sitcom gay, une série qui attire des millions de téléspectateurs sur YouTube, alors que le soutien au mariage homosexuel progresse au sein de ce régime communisme. L'homosexualité a longtemps été considérée comme un fléau social dans le pays asiatique et même l'auteur de Mes meilleurs amis gays, série à petit budget sur trois colocataires de Ho Chi Minh Ville, ne peut dissimuler sa surprise. Depuis les problèmes de cœur jusqu'au grand départ de la maison familiale, la série passe en revue la vie de jeunes Vietnamiens fauchés de la ménopause du... des fois, faut lire la phrase comme faut. De la mégapole du sud du pays. Et sauf à un détail près, c'est que tous les personnages et membres sont presque tous de la communauté LGBT, donc lesbienne, gay, bi et trans. On félicite ça et évidemment, le lien vers la chaîne est dans l'article sur assemblagerequis.com. Les détails sont beaucoup plus nombreux que ce que je dis là, mais ça a l'air pas mal bon. Les Webby Awards pourraient couronner House of Cards, la série de Netflix. Aha. On en parle une fois de temps en temps ici. Donc, la production de Netflix House of Cards pourrait être la première série web finaliste pour un Emmy de la meilleure série dramatique. Mais elle se voit d'abord décerner un Webby. Les prix Webby honorent les producteurs de House of Cards, Kevin Spacey et Dana Brunetti, avec un prix spécial d'excellence. Le suspense politique dont les 13 épisodes ont été rendus disponibles d'un seul coup par Netflix ont démontré le potentiel du web pour les dramatiques de qualité. Netflix reçoit aussi un prix pour le meilleur site de diffusion en flux continu. Je trouve ça cool qu'ils récompensent ça. C'est vraiment... Là, on parle du futur. Et le futur, c'est maintenant. Mm-hmm. C'est pas mal. Je sais pas si le futur est simple, mais... C'est déjà pris. Le futur est shop. la 17e remise annuelle des Webby qui célèbre le meilleur du web présente officiellement ses lauréats mardi. Ils les ont présentés mardi dernier parce que l'article date du 30 avril. Parlant de Netflix, il y a une nouvelle série qui s'en vient le 11 juillet, écrite par la réalisatrice de Weeds, Jenji Cohen. Orange is the New Black est une comédie dramatique adaptée des mémoires de Piper Kerman, explorant son quotidien carcéral et ayant pour vedette Taylor Schilling. La série sera diffusée le 11 juillet par Netflix. Donc, Orange is the New Black retrace l'histoire de l'héroïne Piper, une jeune femme incarcérée du jour au lendemain dans un pénitencier fédéral. Son crime est d'être sortie avec une ex-dealeuse qui est jouée par Laura Prepon, qu'on a vu dans That 70s Show, et qui est géniale. Au temps de l'université, Piper, il y a des gros acteurs pour vrai. Piper va devoir troquer sa vie confortable à New York et son fiancé Larry, joué par Jason Biggs de American Pie, contre le fameux uniforme orange et une vie de prisonnière déconcertante. Aussi dans le casting, on retrouve pas grand monde que je connais, finalement, Natasha Lyonnais, qui est la plus connue là-dedans. Lionsgate Television produira la série pour Netflix, réseau mondial de télévision sur Internet présent dans 40 pays. Ça va être 13 épisodes d'une heure à partir du 11 juillet. Je sais pas si ça va être visible au Canada, mais oui, ça dit dans les zones géographiques où Netflix est accessible. Oui, on mentionne États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Amérique latine, Brésil et pays scandinaves. On surveille ça va être un autre succès. As-tu entendu parler du remake de Sailor Moon? Non, j'ai pas... Non. Sailor Moon, tu connais le dessin animé japonais? Mais j'ai déjà entendu ce nom. Ça jouait à TVA dans le temps, les samedis matins, je me rappelle. ou dimanche. Fumio Osano, surnommé Osabu de la maison d'édition Kodansha, a confirmé que la nouvelle version animée de Sailor Moon est remise à plus tard. Osano a confirmé la nouvelle sur son propre compte Twitter. Le remake de Sailor Moon avait été annoncé pour l'été 2013. Ça dépend de où tu regardes l'article. Elle n'a pas donné plus de détails, mais plus d'informations devraient être disponibles sous peu. Quand il a été questionné à savoir si l'animé allait être prêt pour l'hiver 2014, il a répondu « Peut-être pas pour 2014, donc peut-être 2015. » Le groupe de musique féminin Momoro Clover Z... Là, je fais semblant d'avoir un accent, mais j'en ai aucun. Elle avait fait un passage très remarqué à Japan Expo, donnant plusieurs concerts et un spectacle pour les 20 ans de Sailor Moon. Certainement pas pour les fans de 20 ans de Sailor Moon, en duplex du Japon, lors duquel elles annoncent leur future participation pour la version, pour le générique d'ouverture du dessin animé. L'éditeur Kodansha et Naoko Takeuchi, le créateur du manga, avaient aussi annoncé la création d'une nouvelle version. Voilà. Sailor Moon, nouvelle version. C'est un gros pilier de la télé américaine qui quitte les ondes d'un grand réseau pour atterrir sur le câble. Tu connais Cops? Cops, what you gonna do when they come for you, bad boy, bad boy? Ouais. C'est quand je la chante, c'est tout le temps comme ça, bad boy, bad boy, what you gonna do when they come for you? Mais ça donne un petit quelque chose de différent. Asiatique. Oui. Bad boy, bad boy. Après 25 ans à l'antenne du réseau télévisé Fox, l'émission Cops déménage. La chaîne spécialisée Spike TV, qui est destinée à une clientèle de jeunes hommes, a confirmé que les mauvais garçons débarqueraient sur ses ondes en septembre. Donc, l'émission Cops, qui suit les policiers dans leur patrouille de nuit, était un format inédit lorsqu'il a été présenté à la télévision pour la toute première fois en mars 1989. Réalises-tu 1989? La télé-réalité était quasi inexistante à l'époque. Pendant des années, Cops a fait partie de la programmation des samedis soirs en compagnie de l'émission America's Most Wanted, qui elle aussi a été retirée des ondes de Fox pour être diffusée sur le câble sur la chaîne Lifetime, pour être ensuite retirée après un an de diffusion. Donc, encore une fois, America's Most Wanted se cherche une autre station. Les caméras de Cops ont tourné des images dans plus de 140 villes. Plus de 900 épisodes ont été diffusés depuis son arrivée en ondes. Ce déménagement est loin d'être une surprise, car Fox avait commandé moins d'épisodes cette saison, sans compter que Cops cédait souvent sa place à des événements sportifs. D'ailleurs, c'est Fox Sports qui va avoir la case horaire du samedi soir. Ils vont diffuser des matchs de je sais pas quel sport, dont je me fous. C'est un peu ça qui s'en vient pour Fox. Malheureusement, c'est un gros pilier, comme je le disais. Parlant de grands piliers... Jack Shea, qui a réalisé la sitcom The Jeffersons et d'autres émissions à succès, a rendu l'âme dimanche à son domicile de Los Angeles à la suite de complications liées à la maladie d'Alzheimer. Il avait 84 ans. Au cours de sa carrière, qui est échelonnée sur 4 décennies, Jack Shea a réalisé des centaines d'épisodes pour des émissions comme Silver Spoons et Stanford and Sons, de même que plusieurs émissions spéciales de Bob Hope. Il a dirigé la Guilde des réalisateurs américains entre 1997 et 2002. Et selon l'actuel président de la DGA, Taylor Hackford, il a contribué à faire davantage de place aux femmes et aux minorités visibles au sein de l'organisation. Tu vois, c'est des gens qui travaillent chez CBC. Je serais content d'entendre que tu peux faire la discrimination positive une fois de temps en temps. De temps en temps. En 99, Jack Shea et le conseil d'administration de la DGA avaient rebaptisé le D.W. Griffith Award, lui donnant plutôt le nom du DGA Lifetime Achievement Award. L'organisation avait fait valoir que le classique de D.W. Griffith, The Birth of a Nation, glorifiait le Ku Klux Klan et véhiculait des stéréotypes racistes, hein, tu vois? Donc, oui, intégrer les gens de toutes les couleurs et toutes les nationalités et toutes les persuasions, mais aussi ceux qui sont contre ça. Voilà. T'es sac de wow! Donc, tant mieux. Et tant pis, et dommage, et vraiment triste pour Jack Shea. Maintenant, sautons à Robert Redford, qui produira une télésérie sur Chicago. La chaîne américaine CNN, oui, une chaîne de nouvelles, a annoncé la création d'une télésérie sur Chicago, pour laquelle l'acteur et réalisateur Robert Redford agira comme producteur délégué. Série en 8 épisodes, Chicagoland sera diffusée en 2014. CNN a indiqué que ça explorait l'impact des politiques adoptées par les autorités sur la vie des gens ordinaires dans une ville qui tente d'innover en matière de politique sociale, d'éducation et de sécurité publique, afin de relever des défis auxquels elle est confrontée. C'est avant-gardiste, hein? Assez avant-gardiste. Monsieur Redford a affirmé que Chicago avait un rythme qui lui était propre et s'est dit honoré de contribuer à faire connaître son histoire. Chicagoland est une production de Sundance Productions. Et d'ailleurs, c'est pas mal la première série de ce genre-là que je vois à CNN. Donc, on change les choses, on dépasse le terrain de juste... les nouvelles. Rabrouer tout le temps les mêmes nouvelles. Sérieusement, avec le procès de Jodi Arias que je te disais à Ronde que je suivais, la femme qui a tué son copain... j'aurais dit présumément, mais elle a été trouvée coupable hier, donc elle a tué son mari, son copain. Sérieusement, si tu regardes, il y a une nouvelle affaire qui se passe dans la journée et on en parle en boucle et on remonte le clip de la culpabilité sans cesse, c'est ridicule. Je comprends que quelqu'un qui vient de s'intoniser le sait pas, donc tu veux y dire, mais il y a des limites. Tu peux pas écouter ça toute la journée, tu vas virer fou. Pourtant, je l'ai fait, mais c'est pour ça explique bien des choses. Tu m'as vu, exactement. Et puis, en bref, Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy et de American Dad, va prêter sa voix à un personnage des Simpsons dans la finale de la saison et qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, allez lire l'article pour voir quel type de personnage il va jouer sur assemblagerequis.com. Alors qu'on termine avec les codes d'écoute et les talk shows américains. Donc, allons-y avec les codes d'écoute de la semaine du 22 au 28 avril 2013. Et c'est bien que maintenant que l'émission est rediffusée les samedis et dimanches, on peut encore parler de ces choses temporelles-là. Alors qu'on ne serait pas rediffusé dans une semaine, je ne pourrais pas en parler. Donc, un code d'écoute pour le Québec. Commençons par le Québec. Position 15 à 6. Du talent à revendre. Le tricheur, OK, des Canadiens. Les grandes gueules complices. Mais Dieu merci, TVA Nouvelle en route vers le gala artiste. LOL, OK, des Canadiens est testé sur des humains. En cinquième, c'est Tout le monde en parle de Radio-Canada. En quatrième, La poule aux œufs d'or. Troisième, Dans l'œil du dragon. En deuxième, Le tapis rouge du gala artiste 2013 à TVA le dimanche à 19h. Et finalement, en première place, c'est le gala artiste 2013. Si on regarde, le tapis rouge a eu 1 346 000 et le gala artiste 1 759 000. Pas mal de gens étaient à l'écoute pour le gala, c'est quand même. Pour le tapis rouge. Allons-y au Canada maintenant. Ouais. 15 à 6, The Voice, Blue Bloods, American Idol, Bones, Les Nouvelles, Grey's Anatomy, Castle, The Mentalist, NCIS Los Angeles et Survivor. En cinquième, c'est NCIS. En quatrième, Two and a Half Men, Mon Oncle Charlie. En troisième, Amazing Race, la télé-réalité. En deuxième, Hockey Night in Canada, le hockey. Et en première, c'est The Big Bang Theory sur CTV, les jeux du soir, qui a atteint 3 471 000. Maintenant, côté talk show, allons-y avec... là, c'est un petit peu plus difficile, par contre, je réalise là, les talk shows. C'est plus pareil. Ah, même au Tadine. Est-ce que ce soir puis demain? Ben, c'est ça. On va y aller avec ce qu'il y a eu cette semaine. C'est ça, ben, les reprises. Ouais. Et les gens iront voir sur les sites des réseaux appropriés ou sur YouTube pour les chercher si jamais ça les intéresse. Ouais. Donc, cette semaine, entre autres, à David Letterman, je donne des noms sans dire les soirs. Je pense que ça pourrait être une bonne façon de fonctionner. Donc, à David Letterman sur CBS, Zooey Deschanel, dont on a parlé tantôt. Allison Hannigan de Buffy contre les vampires. Et Chris Pine, qui joue dans Star Trek. À Jay Leno, le joueur de basket Magic Johnson. L'animateur de talk show, d'un autre talk show dont on parlera tantôt, Craig Ferguson, va être là. Shakira et d'autres. Jimmy Kimmel Live sur ABC, Robert Downey Jr., Tobey Maguire et un paquet d'autres. Au Late Late Show de Craig Ferguson, dont on vient juste de parler, Ryan Seacrest, Lauren Graham et Jimmy Fallon, on retrouve Jane Lynch qui joue dans Glee et Steve Martin, l'humoriste américain très connu. Donc voilà pour les talk shows. Et c'est tout. On passe en musique tout de suite. Oui, tu m'as dit d'aller au milieu. Je suis allé dans le milieu francophone. OK. Allons-y. Avec quelque chose qui va fitter avec mon chandail. Du rouge pompier, je te gage. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as un chandail du CD de Kevin Bacon. Ouais, de... j'avais le goût d'écouter Paul. Bon, c'est dans le palmarès, ça tombe bien. Mais ben, c'est pas beau, ça. Hein, les palmarès. C'est la 13e position. Les palmarès francophones. Je trouvais ça le plus drôle que ça, je trouve. Ben, t'es bonne. Palmarès. Non, palmarès. Oh! Slot Machine! C'est la saison du homard. Rouge pompier. Tuyau coincé dans la fenêtre. L'autre bout dans l'échappement. La porte de garage bien fermée. Celle de la maison également. Qu'est-ce que tu fais là? Cher Paul, aimable, sportif, sens de l'humour, dépendant au jeu du hasard. Le casino, il connaissait ça. C'était vraiment lui le meilleur pour pouvoir prédire si la machine paierait ou pas. Sauf cette fois-là. Dommage. Laisse-nous te saluer, toi, tes amis, tes enfants et ta femme. Viens-tu s'exprimer avec les bons mots en te trouvant? retour, on me suggère quelques petites sorties dans Ajoute ça à ton agenda. Ah, d'accord. À son agenda, tu vois, j'ai réussi à plugger la petite chronique que je voulais faire. Finalement. Toujours à Assemblage Rocky à la plage, Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante est toujours là. Oui, il reste encore une vingtaine de minutes ensemble avant que cette émission se termine, cette première édition d'Assemblage Rocky à la plage. Jusqu'à maintenant, on aime ça. Ouais. On aime ça pas mal. Même que, si tu veux, on peut même avancer tranquillement pas vite. Marche, jusqu'à la petite salle de poule, genre. Ah ouais, faisons ça, ouais. Tu jouais au poule? Ouais, on va aller frapper des boules avec des queues de billard. Oui, frapper des boules avec ta queue. Comme on aime. On aime ça. Rentrer ça dans la poche de côté. La poche. T'as pas vu la poche. Ouais, c'est la première fois que je l'ai fait. Je suis en train de roder mon show. Ton matériel. Ouais. Pour ton show de stand-up, là. Ouais. C'est ça. Oh, crime, on est parti. On est parti du pool. Alors, on retourne ça à la plage. Oui, on y va. Allons-y. On y va pendant qu'on fait la chronique. Ajoute ça à ton agenda. Mmh. Ça, c'est rock. C'est ajouté à ton agenda. La chronique, on vous propose des petites suggestions de sortie. On complète, si on veut. On complote pas. Non. Repars pas ces affaires de plate, là. On complète un petit peu ce qu'Alexandra Carignan a fait plus tôt en émission. Elle se concentre sur un certain côté. Nous, on essaie d'y aller avec un autre sorte de côté. Commençons avec les mardis de la relève. Oui. Ouais, ben, c'est dans une autre affaire sexuelle. Côté, puis en arrière, puis par en avant. Ouais, puis tout. On complète, si on veut. On complète. Donc, les mardis de la relève qui se poursuivent. Mardi le 14 mai, c'est évidemment la 16e édition. C'est la demi-finale 2 avec The Unplugged, Virgo et les gars de Mashup. Et l'autre mardi, le 21, ce sera la demi-finale 3 avec les Malacoustiques, les Freightliner et Living Crush. Oui, mardi de la relève qui ne se termine apparemment jamais. Ça dure très longtemps. Oh oui. La grande finale aura lieu le mardi 28 mai. Je pense qu'ils doivent passer 3 saisons. À peu près. C'est l'hiver, automne. Ça fait les plus belles photos. Comme ça, de la neige en arrière, gros soleil. On aime ça. Et ensuite, il y a le lancement de l'album de Dame the Duck à Trois-Rivières avec Rob Bob et Limoilou Libre. Oui, et donc trois groupes comme ça. Non, programme double, en fait. Est-ce qu'on dit programme double? Ben, ça dit programme double, mais c'est pas mal trois groupes. Là, si on compte Rob Bob et Limoilou Libre, peut-être qu'ils sont ensemble avec Dame the Duck. C'est le jeudi 9 mai, ce soir, 21h. C'est 5$ au Café Bar Zenob sur la rue Bonaventure. Allez voir facebook.com/ Dame the Duck Band, Limoilou Libre. Weebly.com ou facebook.com/cafébar.zenob. Les informations sont là-dessus. Comme je dis, c'est à 21h ce soir, si vous écoutez en direct le jeudi 9 mai. Ensuite, 29e Festival international de musique actuelle qui aura lieu à Victoriaville. C'est la 29e édition du 16 au 19 mai. Donc, ça commence jeudi prochain. On va en reparler, c'est sûr. Donc, 29e édition de ce festival-là avec plein de noms en concert. Évidemment, c'est de la musique actuelle. Donc, c'est pas des artistes que vous connaissez nécessairement. Mais ça pourrait être le fun avec des installations sonores dans les endroits comme ça, hétéroclites, des arts visuels, expositions. Allez voir fimav.qc.ca pour en savoir plus. fimav.qc.ca. C'est ça. Est-ce qu'il y a des détails de plus? Oui, concert inédit, musicien de réputation internationale, arts visuels, circuit d'installation sonore dans l'espace public. C'est pas ce que j'avais dit finalement. Le FIMAV est un laboratoire de musique contemporaine, jazz, rock, électroacoustique et improvisé. C'est le plus important événement du genre en Amérique du Nord. Donc, entrez avec eux dans un monde d'audace et d'avant-garde. Voilà. Maintenant, parlons d'un événement qu'on voit affiché sur le babillard depuis des mois. Farandole érectile est en supplémentaire. Savais-tu ça, des supplémentaires, toi? Né à Trois-Rivières, issu des milieux défavorisés de la création, le duo théâtre-humour Farandole érectile fracasse tout sur son passage. Situation, personnage, dialogue, tout est plus grand que nature, oui. La richesse du jeu vient servir à la folie de l'écriture avec des numéros à la fois drôles et percutants, du matériel original, un brin de talent et une douche. Voilà la recette de farandole érectile et une douche. C'est Luc Kenline et Cindy Rousseau qui présentent Farandole érectile et ça a lieu en supplémentaire le 17 mai à 20h. Voilà, 17 mai à 20h. Et en spectacle.ca. En spectacle.ca, exactement. J'avais-tu dit? Je crois que je ne l'avais pas dit, mais je me demandais c'était à quelle salle. Oh! C'était à la salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la Culture. Voilà. Voilà. C'est merveilleux, ça. C'est Farandole érectile. Le nom juste là, ça m'intrigue. Maintenant, parlons un petit peu de musique. Oui. La musique Boudakik, qui va être live à Montréal. Et là, vous me demandez, mais Boudakik, qu'est-ce que c'est? Même moi, je ne savais pas. Je ne savais pas c'était quoi. Moi non plus. Tout ce que j'ai. Hein? Enseigne-moi. Je t'enseigne. En fait, c'est un groupe qui est sur la même étiquette que Artist of the Year, qui sont ceux qui font les fonds et la chanson thème de l'émission Les Palmarès, c'est fou, qui est en relâche pour l'été, mais quand même. Donc, Good People Records, qui ont évidemment beaucoup de goût. Et je me suis dit, ça n'a pas chaud d'être bon. Donc, c'est le lancement de l'album de Boudakik à Montréal. C'est leur premier album homonyme qui va être lancé le samedi 11 mai. 5$ pour entrer, 15$ pour leur merveilleux CD. Et ça va être Frankie Selector qui va spinner après ça. Une grosse collection de groove et de petits bijoux musicaux. Donc, l'album est disponible sur boudakik.bandcamp.com et j'ai envie qu'on aille entendre une pièce. Oh, on fait ça. Pourquoi pas Boudakik et leur pièce Slip Away dans Ajoute ça à ton agenda. D'assemblage de qui à la plage? Ou à 100 plages? À 100 plages. Plus facile à dire. C'est à s'emplacher les doigts. Baby, talk the stretch. You were gone for a ride. Said I'm gonna get you when we met last night. This ain't no twist of fate. Let's go outside and see the sights. It's an early morning. Think the sun has never been so bright. The box is in between us. Did your sister by my side? Every tune on the radio just smoothing off. Engine's revving, it's quiet in the car. Roll down the window, the breeze is looking for a highway star. And that's what you are. Get ready, I'm coming for you. Put a blast off, see in a second. Let's bounce like the sleeping to stratus, still we're gonna ride. Step in the boogie, get funky fine. I know nobody can stop this, we'll be just fine. It's ready, come on, I'm still, come on, so jump into town. Could tell you where I'm that way, you wanna smell the gun. And you never think the fun. Bon, kick avec Slip Away, c'était oui, merci Ben Camp de continuer de jouer à jouer la prochaine chanson. C'était dans Ajoute ça à ton agenda, la chronique un petit peu de sorties alternatives quand même, là, on se prend pas trop pour d'autres, là, j'ai pas l'impression de tout savoir du tout sur les sorties, mais c'est en gros ce qui est sorti sur mes événements Facebook. On va se la crâner finalement. Citer ses sources, hein? Citer ses sources. Parlant de citer ses sources, une personne qui cite son nom de source, Stéphanie Paradis de retour. Hey, hey, pop dans le studio. Pop! Oh! T'avais un beau pop? Oh! Ah, pour une fois, que j'ai un bon son. Hey! Hey, un effet sonore! Toi, on va les enregistrer puis faire un soundboard. Yes! Pour les réutiliser plus tard, ça, puis tes applaudissements. Ouais! Yeah! Le fameux éléphant. Faut faire un montage de tout ça. Oh. Les meilleurs moments des bruits de bouche. Ben écoute, on va en avoir des meilleurs moments. On a tout l'été ensemble, 4 mois, avec cette émission-là. Donc, Stéphanie, qui est la co-animatrice officielle de l'émission, mais qui a dû nous quitter pour une période d'environ 1h45. Oui, j'avais une bière à boire. Oui, gratuitement fournie par la job, mais pas la job qu'on connaît parce que t'es employé ici à C'est Fou dans le campus, le Oui, Pumul. C'est ça. T'es aussi à l'École internationale de français. Yay! Mais inquiétez-vous pas, on boit pas toujours de la bière, là. C'est un social pour se connaître. Oui, c'est ça. C'est exceptionnel. C'est entre les employés pour qu'on se connaisse mieux. Ça fait une meilleure chimie. Oui. Ouais, non, c'est ça. Pour qu'on se connaisse ensemble. Oui, exactement. J'aimerais ça, des fois, avoir des cannes. Une canne, oui, une canne à scanner. Pour sortir de la scène. Oui. Ou un piton pour ouvrir la trappe dans le plancher. Ouais, ou le serpent, un piton qui mordrait l'entrejambe. Un piton qui fait venir un piton. Oui, un piton. Un piton, un piton. Is the piton of the piton? You know. Ah, yes, I know. Si tu veux repartir, tu peux aussi. Oui, c'est... Nous, c'est parce qu'il fait très chaud ici. Oui, la chaleur, elle fait fondre un peu les cerveaux, les neurones, puis tout. On est à la plage, c'est normal. Faut pas se plaindre, je suis encore en serviette. Tellement moins. Tantôt. tellement. OK. Tantôt, on était allé faire un petit tour au pool BR. On était allé jouer au BR un petit peu. Est-ce qu'on essaie d'autres ambiances un petit peu? On pourrait aller je sais pas, faire un petit tour dans la portion gym du resort de C'est Fou. Ouais, question de s'entraîner puis avoir plus chaud. Un petit peu, parce que là, quand même. Toi, mais tu benches combien? Des bangs. Je benche une douzaine de bangs. Par côté? Par côté. Une douzaine de bangs par côté. Oh, c'est impressionnant. Impressionnant. Crème Boston ou avec le trou dans le milieu? Oh, ça change de poids, là. Là, tu me prends par les émotions, là, je te dirais, avec la crème, parce que là, il y a de la crème, il y a du plaisir. Oui, exactement. Ouais, ça. Ça ressemble pas mal à ton affaire de billard, je trouve. Ça ressemble pas mal au billard, c'est sûr que tu t'es pas trompé. Non. On peut se rendre ailleurs, par contre. On a plein de places ici sur le merveilleux resort. Là, je trouve qu'on est vraiment bien situé, quand même, là, comme place. Là. On pourrait se rendre, je sais pas. Colin, qu'est-ce qu'il y aurait? Ah, on pourrait prendre là où il y a les petits bateaux qui passent. Tu sais, les petits bateaux qui passent devant, tu sais, qui font des jet skis. Pfiou! Je commande très bien, mais j'ai pas d'écouteurs, j'entends pas. Moi, je suis comme j'avais des bouchons, là. On dirait qu'il y a juste un homme derrière. Mais il y a un bateau qui passe. Ben, il est pas mal tout neutre. Il devrait accélérer un peu. Alors, Steph, pendant ce temps-là, elle écoute le micro en espérant de tout son cœur qu'il y a quelque chose qui arrive. Enfin, peut-être si je ferme les yeux puis que j'y crois très fort, je vais l'entendre. Il faut y avoir des vagues. Pour combattre le feu par le feu, vu qu'on a chaud, on va dans le sauna. Dans le sauna. Ça fait des... Ah, celui-là, je l'ai déjà entendu. Il est vraiment mauvais. Oui, c'est peut-être pas super gagnant. Mais quand même, c'est un sauna. Puis je suis encore en serviette. Ouais. Ouais. Comme une petite obsession de serviette, là. Je pense que ça ressemble à ça, moi. En tout cas, bref, mais l'expérience n'est pas très, très conclusive. Conclusive? Come on! Oh, wow! C'est quoi le mot? Concluante. Hey, attends, il est quelle heure? Bon. 7h52. Check-moi bien faire un montage. Est-ce qu'il est en train de me dire qu'on devrait faire les essais classiques pour cette émission-là? Oui. On devrait. Oh, on a le temps. Pour l'émission qui vient de jouer là? On a le temps. On les refait. Dans les 10 dernières minutes, je te refais un montage? Oui. Non, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est que je m'étais dit... On pourrait les faire, oui. Ça serait cool. Ben, je l'ai fait l'année passée à la fin de l'été, pas au début de l'été, on a comme repris ça en fin d'été. Mais, par contre, vu qu'on voulait. Notre émission dure 4 heures, on a une émission qui va arriver après nous à 18h, Rock Révélé, à partir de dans 2-3 semaines, je crois. Pas cette semaine, mais je voulais qu'on essaie de rentrer dans nos temps quand même. Donc, oui. Je vais essayer de faire le plus de chroniques possible pour voir combien de chroniques est-ce qu'on est capable de faire. Et là, aujourd'hui, on a joué presque aucune musique des Palmarès. Je pense qu'on a joué combien de chansons des Palmarès? Peut-être 6-7. On est supposé en jouer 20 par émission. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que pour ça, c'est un échec lamentable côté jouer des chansons de palmarès, mais quand même. Et avec tout ça, on devrait être capable d'intégrer quand même nos chroniques régulières dans cette émission-là. Donc, je suggère qu'on aille réentendre le Palmer Rest in Peace de la semaine passée. Ah, oh, je me demandais pourquoi je ne jouais pas. Ben, c'est ça. Ben, je me demandais bien moi aussi pourquoi je ne jouais pas. Donc, voici les plus récents Palmer Rest in Peace, parce que qui dit nouvelles entrées dans le palmarès dit qu'il y a des pièces qui nous ont quittés, puis il faut leur dire au revoir. Donc, voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés dans le plus récent palmarès. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain. Avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge est collée off. Ce soir, y'aura pas de l'ascale. Ça va, ça va. J'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Un collier d'asphalte fraîche pour mettre mes initiales. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. But trouble lay. But all along, I swear, I did my best to prepare. All along, I got lost, I don't know. Les pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou par la plus récente édition, c'est-à-dire le palmarès de la semaine du 29 avril au 12 mai. C'est une longue période de deux semaines, c'est comme ça. Donc, on a entendu Trembler avec Sarah Savard qui a duré cinq semaines, avec Podcast, qui est dommage que tu sois pris, qui a duré seulement deux semaines. Modern Superstitions, Last Night's Dress, huit semaines. The Bicycles avec Appalachian Mountain Station, sept semaines. Elephant Stone, Setting Sun, sept semaines. André Papanicolaou avec You Can't Lose If You Don't Play, qui a duré un maigre trois semaines. Et finalement, Tawin de Gadda Stay Down, un classique. La pièce City, qui a duré sept semaines. D'habitude, je ferais lire ça à Stéphanie Paradis, mais elle n'a pas d'écouteur, elle n'a pas d'ordinateur. Ouais, je suis comme démunie. Hein? Ben, je l'avais là. Celle-là a des bons yeux. Oh, ben non, mais en fait, des bons yeux. J'ai pas des yeux rayon X. Je vois pas à travers tous les micros qui cachent l'écran. Mais promis, là, la semaine prochaine, je vais être mieux équipée. Bon. Équipée pour veiller tard. Oh yeah. Rappelle. Oh yeah. Ouais. Ah, ben non, tiens, je vais repartir mon petit. Petit beat, ton petit caillou coco. En fait, j'ai demandé au DJ qui joue derrière nous sur la plage en direct de repartir son vinyle. Wiki, wiki, wiki. Mais je vais lui redemander de l'arrêter parce que Jean-Philippe nous apporte du contenu. Oui, mais pour la première fois. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. Quand on dit 20 secondes max pour les intros de chronique, là, tu vois que je suis pas mes propres oreilles. Donc, Jean-Philippe Chabonneau, on oui, a un petit top 25 à faire. Ben écoute, un petit top 25 à faire en une minute. Et c'est parti! C'est parti! OK, bleu, blanc. aujourd'hui, donc, c'est le palmarès des gens les plus paresseux au monde. Oui, écoute, je suis tombé là-dessus par hasard pendant une pause musicale tout à l'heure. On voit qu'il suit bien l'émission. Ah ben là, c'était de la musique, là. Tu parlais, t'étais même pas là. Non. J'ai pas bougé de ma chaise là, des 4 ans. Non, écoute, je suis tombé là-dessus, puis j'ai feuilleté rapidement, puis là, je me suis dit, oh, pourquoi pas les découvrir ensemble, c'est assez drôle. Le premier, mettons, c'est un top 27, fait que mettons, 27e. Okay. C'est une personne en chaise roulante qui tient sa tondeuse dans ses mains. C'est une tondeuse à traction. Et puis, il est capable de faire avancer sa tondeuse, donc il est capable de se rouler sa chaise roulante grâce à ça. Okay. Ouais. Top 28. En fait, 28e position, c'est un gars qui est sur sa chaise longue, couché, avec en dessous ses sandales, un frisbee, son verre, une paille. Puis comme ça, il n'a pas besoin de se lever pour têter son verre. Oh. C'est genre à Steph, ça, avec de la vodka. Hein? Mais non, je vois pas de la vodka à paille quand peut-être même. Peut-être vous le mettre comme ça, là, je sais pas si vous le voyez bien. C'est beau. Numéro 27, c'est un faux cornet de crème glacée en plastique qui fait tourner ta boule. Comme ça, t'as pas besoin de bouger comme ta langue. Comme ça, t'as juste à faire... Ah, puis... oh, ça, c'est hot! Ouais. Numéro... bon, je ne verrai pas avec les numéros, là, oublions ça. En rafale. Donc, on a aussi une dame qui s'assoit pour commander du Burger King dans la file d'attente. Elle est allée chercher une chaise pour pouvoir s'asseoir en attendant. Non. Loser. On a après ça quelqu'un qui écrit sur les panneaux publicitaires un peu là, comme venez une nouvelle administration. Les lettres sont écrites, sont des petits carrés de plastique que tu vas placer sur le panneau. Puis ça dit en anglais, ça dit que son boss lui a dit d'écrire quelque chose sur le tableau. Mon patron m'a dit écrit quelque chose, ben j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit quelque chose. Après ça, on a le fameux hamac avec motorisé. Transportable avec, sur la plage, tu peux aller où tu veux. Hein. Oui. Ensuite, on a les lignes qui bordent les routes, la ligne blanche. Ouais. Et ben, il y a une petite branche qui empêche le gars de faire sa ligne droite. Fait qu'il y a un petit. Il a contourné. Il y a un petit contour. Ah, oh, ça, c'est fort. Ça, j'aime ça. Ouais. Après ça, on a les fameuses lampes LED, LED, qui est accrochée avec son emballage. Oh! Après ça, il n'enlève pas du tout. Il n'a même pas enlevé l'emballage. Oh. Hein, c'est pas grave, ça ne dégage pas de chaleur. Hein. Après ça, on en a fait illusion pour ceux qui nous ont suivis depuis le début avec la carte postale de Simon Fidubé. C'est quelqu'un qui était trop paresseux pour aller chercher un timbre. Fait qu'il a collé le montant. Un 5 cents, un 10 cents, des cents noirs. Ouais, sur son enveloppe. C'est marqué « Ah, excuse-moi, j'avais pas le temps d'aller chercher un timbre. » Fait que, tu sais, v'là 5 cents de plus, tu te gâteras. Achète des bonbons. Ouais, voilà. Un monsieur qui promène son chien assis sur sa chaise d'ordi en lisant le journal. Bah, ça, c'est vraiment faire confiance à son chien. Pardon. C'est plus le chien qui promène le maître. Pas mal, ouais, ça. Finalement. Mais les chiens sont tout à l'heure au maître, de toute façon. Ouais. Ben, le classique, là, le gars qui joue couché avec sa télé qui est floppée sur le côté. Ouais, c'est une grosse télé cathodique. Ouais, dans le temps. Finalement, un sapin de Noël, ouais, pour faire comme un sapin de Noël, quelqu'un qui a taqué un sapin sans bon là, pour les autos. Sur le mur. Ça, c'est triste, en fait. Oui, c'est pathétique un peu. Ben, au moins, ça sent le sapin. On a la fameuse paire de lunettes avec prisme. Comme ça, si tu veux lire. Tu sais, le soir, loin, tu veux coucher. Pas trop de ton micro, là. Ben non, je serais pas comme David Ferrand. Oh, pin. Pin. Puis là, tu veux lire la nuit couchée. Oui. Puis là, tu peux pas. Tu veux pas t'asseoir dans ton lit? Ben, finalement, je sais pas pourquoi je vous le mets, mais c'est très bien d'expliquer ici sur cette image. Fait que voilà, pour ceux qui sont à la maison, oui. Sur fait la que t'es couché, puis le prisme fait que tu vois. C'est une bonne idée. Ouais, fait que là, finis les livres que tu tiens au-dessus de ta tête quand tu lis. Le fameux « mets ta chaussette ». Fait que ça, c'est comme un truc en métal pour mettre tes bas. Ça existe déjà. J'ai vu ça en ergothérapie. C'est pas pour les paresseux, pas en tout, ça. Bon. T'insères ton bas là-dedans et tu t'insères ton pied dans le bas. T'as pas à toucher au bas et à le tirer vers toi. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué d'utiliser ça que juste mettre le bas. Fait que c'est pas tant paresseux. Bon, OK, bon. C'est pas moi qui ai fait le truc. Fail. En tout cas, t'es responsable de ton contenu, man. OK, c'est vrai. Même si je l'ai pas vu, je le découvre avec vous. Celui-là il y a tellement de vaisselle dans le lavabo que la personne a fait une gouttière jusqu'à son pichet d'eau. Ah, oh, wow! Ah, ça, c'est hot! C'est pas paresseux, c'est débrouillard! Ben, c'est dans un sens. C'est paresseux au niveau de la vaisselle, puis c'est débrouillard au niveau où t'as besoin d'eau, puis il faut que tu remplisses ton pichet d'eau. C'est peut-être pas son appartement, voilà. Le gars, on sait pas. La fameuse tondeuse accrochée après un poteau. Fait que là, il y a une corde. Fait que là, la tondeuse, elle va rouler tout seul. Oh! Tu rétrécis la corde, ça rétrécit. Mais ça va se faire tout seul parce que la corde va s'enrouler comme un chien. Autour du poteau. Ouais, comme un chien qui tourne, mais là, c'est la tondeuse. Fait que là, ton gazon est fait en rien de temps. Bon, finalement, la chaise pas montée. Fait que la personne est assise sur la boîte de la chaise qui est pas montée. Bon, les papiers du rouleau. Ah, c'est comme ça chez nous. Il y a plein de rouleaux de papier de toilette, mais plein de chauffage et plein de rouleaux de papier de toilette vides. Non, ils sont vides. Mais c'est pas ça, t'as l'air folle, là. Comment ça, j'ai l'air folle? C'est en attendant d'y mettre à récup. Ben oui. C'est comme ça, ça fait un voyage qui vaut la peine. Exactement. Ah, voilà. Alors, on a une personne ici qui était en Jeep, qui promène son chien. Donc, tu vois la laisse qui est sortie, qui traîne son chien, là, par dehors, par la fenêtre. Puis là, ben voilà, je pense que ça fait le tour. Là, parce que j'ai perdu ma page. Là. Merci Jean-Philippe Charbonneau pour cette chronique, ce petit segment improvisé. Ouais. Des gens les plus paresseux. Ben, on a aussi, attends, celui-là, il est pas pire. D'accord. C'est que la personne est en Segway. Tu sais, la fameuse affaire à deux roues là, que tu... T'es debout sur un genre de pogo stick et t'avances si tu te penches par l'avant. C'est que, ça. Mais ben, la personne, a fait pipi aux urinoirs avec ça. Malade. Ça, c'est paresseux, en effet. Voilà. Débarque de ton mot de Segway. Merci, Jean-Philippe. Comment t'as aimé ça? Hein? C'était improvisé, mais c'était correct. On aime ça, c'est du bon contenu. On termine l'émission ici. C'est tout le temps qu'on avait, pour cette édition d'Assemblage requis à la plage. Bye. Ben, tu sais, toute bonne journée à la plage finit par un bon repas. Barbecue. Non, mais au petit tout inclus. Il y a un petit pub, puis je pense qu'il y a un petit buffet. Ouais, il y a de l'ananas et des bananes à volonté. On aime ça. C'est bon. Il n'y a pas de poutine ici, hein? Non, on peut amener notre soda à la poutine. Oh, bonne idée. Tantôt. Retrouvez-nous jeudi prochain entre 14h et 18h pour une autre édition d'Assemblage requis à la plage. On repasse les samedis à midi et les dimanches à 10h. N'oubliez pas d'écouter Aucun outil requis, l'émission de Jean-Philippe qui nous présente les meilleurs moments, les meilleures chroniques de l'année. C'est les mercredis à 13h à Aucun outil requis. Jean-Philippe, il va t'animer ça, toi, comme un fou. Live, maître. Ici Jean-Philippe Charbon. C'est exactement comme ça. Voilà. Et c'est très drôle et très bon. Bien. Vraiment, ouais, j'ai un talent à imiter moi-même. Toi-même. Merci Jean-Philippe, évidemment. Hey, rock'n'roll. Merci à toi, Stéphanie Paradis, oh yeah, d'être revenu. Hey, merci à toi, Mathieu Plante. C'était hey, vraiment rock. C'était rock. C'était une émission yeah, rock. On aime ça, c'était rock'n'roll. Ouais. Donc, à jeudi prochain. N'oublie pas d'aller voir non plus assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, cif.ca pour la programmation complète. Manquez pas après nous. À 19h les jeudis, si vous écoutez en direct, c'est 13e étage. Samedi après nous, c'est le voyage insolite. On joue pas vraiment ce samedi, par contre, donc je me retiens pour le dire. Et on joue dimanche à 10h, parce qu'après nous, c'est un genre de bleu avec Simon Fitzbé. Et on remercie tous nos chroniqueurs. Bye bye. Salut. Hey, salut, à dans une semaine. Bye. Oh, yeah, une semaine, ça va être long.